Alors ce soir, j'aimerais vous parler du travail que le Seigneur fait dans l'Église dans ces derniers temps. Parce qu'il faut qu'on ait la compréhension du travail que le Seigneur fait pour pouvoir entrer dans ce travail. Si on est en dehors du plan du Seigneur, on ne va pas vraiment glorifier le Seigneur et on ne va pas vraiment être heureux dans le service du Seigneur si on est à côté. Mais si on comprend quel est le plan du Seigneur pour nous, dans ces derniers temps, on va y entrer dans ce plan quand on aime le Seigneur et quand on veut le servir. On va y entrer. Et j'aimerais commencer par lire dans Éphésiens 5, à partir du verset 22. « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. » Ce n'est pas un homme, un pape, un évêque, un pasteur qui est le chef de l'Église, c'est Jésus, le Seigneur. L'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, il emploie le présent, parce que la véritable Église de Jésus, elle est soumise au Seigneur. La véritable Église de Jésus, elle veut obéir au Seigneur. Les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Comme on l'a vu la dernière fois, la soumission, ce n'est pas l'obéissance au doigt et à l'œil à tout ce que le mari veut faire si c'est contraire à la parole de Dieu. Mais la soumission, c'est une attitude de cœur, d'amour, pour ne pas se rebeller contre l'autorité du mari, mais écouter ce qu'il dit, écouter ce que dit le Seigneur, et puis obéir à tout ce que le mari dit et fait selon le Seigneur. Mais de toute manière, l'attitude du cœur doit être la soumission, c'est-à-dire un cœur humble et un cœur rempli du désir d'être soumis. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Ça, c'est très fort, hein. Il a aimé l'Église jusqu'à se dépouiller lui-même de toute son autorité divine qu'il avait dans le ciel pour descendre, se faire serviteur et mourir de la mort la plus infamante sur la croix pour son Église qu'il aime. Alors quand nous aimerons nos femmes comme Christ a aimé l'Église, je pense que nos femmes seront soumises pleinement. Mais il ne faut pas attendre, sœurs, que les maris soient comme Christ pour leur être soumis. Et il ne faut pas attendre, Marie, que les femmes soient parfaitement soumises pour les aimer. Il parle individuellement à l'un et à l'autre, mais nous avons notre responsabilité. Mais si je vais commencer par lire ça, c'est parce que je crois que dans les derniers temps, quand on a compris quelle est la relation de Jésus avec son Église, d'une part, on a compris quelle est la relation entre mari et femme, parce que le Seigneur va restaurer les couples et les familles dans les derniers temps, comme il l'a toujours voulu. Et ça fait partie du travail du Seigneur dans les derniers temps. Le Seigneur veut enlever une Église glorieuse, sans ride ni tache, donc il ne va pas supporter les choses qu'il supportait jusqu'ici. Il est dit que le jugement du Seigneur commence par son peuple, son Église, et comme nous sommes dans les temps de la fin, ceux qui vont résister à la volonté de Dieu vont se mettre sous le jugement du Seigneur. C'est très sérieux. Mais Dieu est un Dieu d'amour, et il ne commence pas par faire tomber les jugements, il commence par nous prévenir, nous annoncer sa parole, et nous inviter par son esprit à entrer dans l'obéissance, dans la soumission à sa parole. Et alors là, la bénédiction du Seigneur vient. Mais il ne servirait à rien de vouloir faire des grandes choses pour Dieu si dans le cœur, notre cœur n'est pas soumis au Seigneur en toutes choses. Seigneur, c'est ton œuvre. Seigneur, c'est toi qui fais. Seigneur, moi je ne suis qu'un serviteur et tu me conduis dans tes plans. Mais je ne veux que t'obéir et être soumis. Alors là, Dieu va organiser les choses comme il le veut. Et on ne va pas assister à cette pagaille à laquelle on assiste aujourd'hui, cette division dans l'Église du Seigneur. Partout, on ne voit que des décombres. Le Seigneur est en train de les relever. Je relis le verset 25. « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » Voilà le plan du Seigneur dans les derniers temps. Ça a toujours été son plan de tout temps, mais comme il revient bientôt et qu'il va enlever une épouse glorieuse qui s'est préparée pour son Seigneur, il est en train, par amour pour son épouse, de la purifier. Et c'est ainsi que nous, Marie, nous devons nous comporter. Je dis ça entre parenthèses, hein, c'est en passant. vis-à-vis de nos femmes, si nous avons dans notre cœur l'amour du Seigneur Jésus pour son Église, nous allons comprendre l'attitude que nous devons avoir en tant que mari vis-à-vis de nos femmes. C'est la même relation que celle de Christ à son Église, c'est-à-dire il est le Seigneur et le Maître, de même que le mari est le Seigneur et le Maître de sa femme, mais Jésus s'est abaissé jusqu'à être serviteur et a donné sa vie pour son Église, pour son peuple. Et si nous aimons nos femmes de cette manière, nous allons tout faire dans la prière, dans l'intercession, dans tout ce que le Seigneur nous demande de faire, pour présenter nos femmes devant Dieu, saintes, irrépréhensibles, de même que Jésus est en train de tout faire actuellement pour présenter à son Père une Église sainte, glorieuse et irréprochable. Le cœur de l'homme est rebelle. Et en particulier, le cœur des femmes est rebelle. Je ne dis pas ça en jugement, c'est Dieu qui le dit. Si le Seigneur dit aux femmes, « Femmes, soyez soumises à vos maris », et s'il dit aux maris, « Maris, aimez vos femmes », c'est qu'il connaît le cœur des uns et des autres. Il sait que le problème des femmes, c'est la rébellion, et il sait que le problème des maris, c'est le manque d'amour. Alors, si nous acceptons ce plan du Seigneur, il va se passer des choses merveilleuses. Les maris vont être remplis de l'amour sacrificiel du Seigneur Jésus pour son Église, et ils vont intercéder pour leur femme, prier pour leur femme, soutenir leur femme dans la prière pour la présenter au Seigneur comme une épouse doit être. Et les femmes vont comprendre aussi quel est leur rôle vis-à-vis du mari, être soumis en toutes choses et les gagner s'ils ne le sont pas, les gagner pleinement au Seigneur par leur attitude soumise, chaste, réservée, pure et sainte devant le Seigneur. Alors là, le plan du Seigneur va se faire. Et il dit... C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Christ est en train de sanctifier l'Église, son épouse, sa fiancée en fait, puisque les noces de l'agneau ne se sont pas encore passées. Il va enlever sa fiancée et les noces de l'agneau vont avoir lieu dans le ciel. Mais il est dit qu'il veut, après s'être livré pour elle, pour la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole. Donc la première chose que le Seigneur fait, c'est la purifier par l'eau et la parole. Et en tant que nous, enfants de Dieu des derniers temps, nous devons laisser le Seigneur nous purifier par l'eau et la parole. L'eau, c'est le Saint-Esprit. La parole, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus aussi, la parole. Et le Seigneur est en train de nous appeler en tant qu'Église à une consécration que nous n'avons jamais connu en face, parce qu'il ne peut pas y avoir de purification sans consécration. Si je laisse une partie de ma vie en dehors de la Seigneurie de Jésus, et si je dis, Seigneur, toute ma vie, d'accord, mais ça, j'aimerais bien le garder pour moi. Tu vois, ce domaine-là, Seigneur, pas encore, c'est pour moi, laisse-moi. À ce moment-là, le Seigneur ne va pas pouvoir agir dans ces derniers temps comme il le veut. Il veut une vie consacrée à 100%, où on lui dit, Seigneur, tu es mon Seigneur et mon Maître à 100%. Je ne garde rien pour moi, je te laisse tout entre les mains. Et maintenant, Seigneur, agis puissamment pour me sanctifier par l'eau de ton esprit, c'est-à-dire remplis-moi de ton esprit, renouvelle-moi de ton esprit, permets que je produise le fruit de l'esprit, baptise-moi du Saint-Esprit, que ton onction descende sur moi, me remplisse, que l'eau de ton esprit me remplisse et me conduise, et que ta parole me soit révélée. Et vous savez à qui Dieu va révéler sa parole ? À ceux qui veulent lui obéir. Il ne révèle pas sa parole aux rebelles. Si nous avons le cœur rebelle et si nous cherchons dans la parole des arguments pour entretenir notre désobéissance envers Dieu, c'est souvent ce que beaucoup font, ils n'ont pas envie de faire certaines choses, alors ils cherchent désespérément quelques versets pour pouvoir dire « Ah, tu vois, là, c'est écrit » et ça les conforte dans leur désobéissance. Mais c'est parce qu'ils ne lisent pas la parole dans l'esprit. Quand on lit la parole dans l'esprit, on dit « Seigneur, révèle-moi ta parole parce que je veux lui obéir quel que soit le prix que je dois payer. Je veux t'obéir, Seigneur. » Et là, le travail du Saint-Esprit se fait. Il va nous révéler la parole de Dieu, il va nous la faire comprendre comme Dieu l'a donnée. Vous voyez toutes les divisions entre dénominations. Les uns interprètent la parole comme ça, les autres comme ci, les autres encore comme ça. Mais pour Dieu, il n'y a qu'une interprétation possible, c'est la sienne. Donc si tous les chrétiens, toutes les dénominations étaient vraiment de tout leur cœur à la recherche du Seigneur et de la vérité, ils se rencontreraient dans l'unité de la foi et dans l'interprétation de la parole. Et je crois que c'est ce qui est en train de se passer dans les derniers temps. Le Seigneur est en train d'enlever les dénominations de nos cœurs et de nous enlever des dénominations dans tous les sens pour rassembler dans le monde entier un peuple qui lui appartienne, qui est entièrement consacré, qui revient au modèle biblique dans tous les sens du terme et qui ne va jamais entrer dans le compromis ni vis-à-vis du monde, ni vis-à-vis de la fausse église qui a une apparence chrétienne mais qui en a relié la puissance, qui va accepter une pleine obéissance quel que soit le prix. Et le prix, ça va être souvent la mise à la porte des dénominations, parce que rien de tel que de commencer à appliquer la parole de Dieu, mais sérieusement et sincèrement, pour attirer la persécution des dénominations. Sur tous les points où le Seigneur nous demande de marcher sans compromis, les dénominations qui sont actuellement dans le compromis ne vont pas l'accepter, et il va y avoir soit une mise à la porte, soit on va partir parce qu'on ne peut pas rester dans le compromis. Mais chaque chose en son temps et selon la direction du Seigneur. Mais dans les derniers temps, le Seigneur va faire, avec plus de puissance encore qu'avant, revenir le peuple du Seigneur au modèle biblique. Et dans les bouleversements qu'il y aura dans la fin des temps, les seuls qui vont tenir, ce sont les chrétiens qui vont accepter de revenir au modèle biblique. Les seuls qui vont tenir. Ils auront beau être mis à la porte ou ils quitteront leur dénomination, peu importe, enfin les persécutions du monde ou de l'Église, les seuls qui vont tenir sont ceux qui vont être fixés sur quelque chose d'inébranlable, c'est-à-dire le Seigneur et sa parole. Si on n'est pas fixé au Seigneur et à sa parole, comme le Seigneur est en train de tout secouer, on le voit autour de nous, tout est secoué et ça va être secoué de plus en plus. Si tout est secoué et si nous nous attachons à des choses ébranlables, on va être secoué avec elles et on va tomber. Mais si nous nous attachons à ce qui ne peut pas être ébranlé, c'est-à-dire au Seigneur lui-même et à sa parole, on va tenir le coup et on va traverser ces épreuves qui nous attendent avant le retour du Seigneur Jésus. Alors, ce que le Seigneur nous demande, c'est accepter dans une consécration totale ce travail de purification par l'eau du Saint-Esprit et par la parole. Et ça va entraîner des souffrances, des persécutions et des sacrifices. Mais quand on aime le Seigneur, on accepte ce programme. Ceux qui ne l'accepteront pas, on verra tout à l'heure ce qu'ils vont devenir. Mais ce qui m'intéresse en tant qu'enfant de Dieu, c'est de laisser l'époux céleste, le Seigneur Jésus, faire son travail de purification dans le cœur de l'épouse. Si nous sommes enfants de Dieu, il n'y a que ça d'intéressant. Moi, ça ne m'intéresse pas d'appartenir à des groupes ou à des églises qui veulent vivre un confort spirituel tranquille dans le compromis. Ça ne m'intéresse absolument pas. Ça ne m'intéresse pas non plus de prêcher la parole de Dieu à des âmes qui ne veulent pas sincèrement la suivre. Mais quand on sent la soif de la parole de Dieu, ça c'est une grande bénédiction. Je rends grâce au Seigneur pour la grâce qu'il peut me donner de prêcher la parole à des cœurs qui ont soif. Parce que ça c'est une grâce de Dieu. Et aussi de pouvoir la recevoir du Seigneur dans une révélation qui est donnée à celui qui veut obéir au Seigneur. Alors, il veut la purifier tout d'abord, et il dit « afin de la sanctifier après l'avoir purifiée ». Donc si on recommence par le début, c'est d'abord la purifier, et ensuite la sanctifier. Il y a une différence importante entre la purification et la sanctification. Parce que la purification nous est donnée par l'eau et la parole. Et la parole, c'est aussi Jésus qui a versé son sang. Nous savons que le sang de Jésus purifie. Jésus purifie par son esprit, il purifie par sa parole, il purifie par son sang. Il y a une action de purification qui se fait par la foi en Jésus et en sa parole, qui enlève le péché. Et il y a une action de sanctification qui se fait pour traduire dans notre vie de tous les jours, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions, dans tout ce que nous faisons, pour traduire cette purification que Jésus nous a donnée par la foi en son sang et par la foi en sa parole, il faut que ça se traduise dans toute notre vie. Le travail du Seigneur, il ne se limite pas à laver nos péchés, il veut que le péché disparaisse de nos paroles, de nos pensées, de nos gestes, et peu à peu, jour après jour, par l'obéissance, il sanctifie, il nettoie, il coupe, il taille, jusqu'à ce que cette Église glorieuse, sans tache et sans ride, soit prête. Alors le but final de ce travail, c'est de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Il n'y a que le Seigneur qui peut faire ça. Mais il ne pourra le faire que si nous le laissons faire. Si nous décidons de consacrer nos vies au Seigneur en disant « Seigneur, je t'en supplie, j'en ai assez des compromis, j'en ai assez de chauffer des bancs d'église, j'en ai assez d'être un inutile dans ton champ, je veux Seigneur être rempli de ton Saint-Esprit, je veux que tu me sanctifies, que tu me purifies et que tu te serves de moi dans ces derniers temps. » Quand on est brebis du Seigneur, il doit y avoir ce cri au fond du cœur, « Seigneur, fais ça dans ma vie. Fais-le maintenant et fais-le jusqu'au dernier jour de ma vie ou jusqu'à ton retour. Je te donne ma vie en entier. Fais de moi ce que tu veux. » Et ça, ça va faire mal parce qu'il va nous montrer pas à pas là où il faut couper, là où il faut trancher, là où il faut faire un sacrifice pour le Seigneur, pas au sens religieux des œuvres, mais où il faut couper quelque chose auquel on est attaché plus qu'au Seigneur. Mais on aime ça, hein ? Amen, on aime ce travail. On fait partie de l'épouse du Seigneur. Quand on voit le but du Seigneur, on dit « Mais Seigneur, hâte-toi de faire ça en moi. Je ne veux pas retarder ta venue ou faire que des âmes se perdent ou faire que l'église du Seigneur soit encore languissante et abattue à cause de mon attitude timide et réservée vis-à-vis de ton action parce que je ne veux pas me laisser transformer par toi. Seigneur, je veux. » Ça va imposer des choses difficiles et dures, mais dures pour ma chair, pas dures pour mon cœur. Mon cœur va accepter le travail du Seigneur. Mon cœur est désireux de faire le travail du Seigneur. Je vais accepter de passer dans la moulinette du Seigneur. Et plus ma décision de lui donner ma vie sera totale et complète, plus le travail du Seigneur va se faire en profondeur et en rapidité, parce qu'il sait qu'il revient bientôt, et il a besoin d'agir rapidement et en profondeur. Alors ça, c'est le plan du Seigneur. Et si on rapproche ce passage d'Apocalypse 19, verset 5 et suivant, « Une voix sortit du trône, disant, « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » La seule louange que Dieu apprécie vraiment, c'est la louange qui vient de cœurs qui le craignent, c'est-à-dire qui veulent lui obéir. Le Seigneur n'a que faire de la louange de rebelles. Au contraire, il dit que si ton cœur est rebelle, si tu pries même ou si tu le loues, c'est une abomination devant Dieu. Parce que Dieu n'a que faire de la louange et de la prière des rebelles. Mais un cœur obéissant et un cœur qui craint Dieu et qui le loue, là le Seigneur est glorifié. Et il dit au verset 6, « J'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit de fort tonnerre disant « Alléluia ». Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. » Il faut que Jésus entre dans son règne, dans notre vie personnelle, dans l'Église, et il va régner sur le monde. Il vient bientôt pour régner à Jérusalem, sur le monde entier, avant d'établir, après les 1000 ans de règne, une nouvelle terre et des nouveaux cieux où il régnera pour l'éternité. Mais il est dit là que le Seigneur est entré dans son règne. « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. Et ce fin lin, c'est la justice des saints. » C'est tout le travail de purification et de sanctification du Seigneur. Il n'entrera dans son règne que quand l'épouse sera prête. Il ne peut pas enlever une épouse tachée, ridée, et une épouse qui ne correspond pas à ce qui doit lui être offert en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Il veut enlever une épouse glorieuse. Et vous savez ce qui va arriver à la fin des temps? Les chrétiens qui ne veulent pas se laisser sanctifier, purifier, ne vont pas être enlevés. Ils ne participeront pas aux noces de l'agneau. Je ne dis pas qu'ils seront perdus, mais ils ne seront pas enlevés. Ils vont passer au travers de la grande, grande tribulation et ils n'auront d'autre choix que ou la perdition ou la mort en tant que martyrs. C'est ce qui nous est annoncé dans l'Apocalypse. Et si Jésus appelle à la sanctification, c'est qu'il sait qu'il revient bientôt chercher son épouse et que cette épouse doit avoir dans son cœur le sentiment de l'urgence à se préparer pour le Seigneur. Et il lui est dit ici que son épouse s'est préparée. Alléluia. Et où est-ce qu'elle est l'épouse du Seigneur? Elle est partout dans la terre entière. Elle est dans les dénominations actuelles. Tous ceux qui ont fait vraiment une expérience avec le Seigneur, qui sont nés de nouveau et qui ont fait cet acte de consécration au Seigneur, ils appartiennent à l'épouse du Seigneur, ils se laissent transformer. L'épouse du Seigneur, elle est aussi dans le monde, au sens où il y a beaucoup de gens qui se sont convertis vraiment au Seigneur, qui n'appartiennent à aucune église parce qu'ils n'en connaissent pas dans leur endroit, ou ils ont vu ce que c'était et ils ne sont pas rentrés. Mais le jour de l'enlèvement, on aura beaucoup de surprises. Entre ceux qui devaient partir et qui restent, et ceux qui auraient dû rester et qui partent. Mais il est dit que l'épouse se prépare. Donc si nous faisons partie de l'église de Jésus-Christ, je ne veux pas me contenter de dire, eh bien Seigneur, moi j'attends ton retour. Hein. Alléluia, je suis sauvé, je t'ai confessé comme sauveur et Seigneur. Et maintenant, je peux vivre une vie de compromis tranquille, et puis je sais que tu vas m'enlever, tu vas me faire régner avec toi. Ça c'est faux, c'est pas vrai. Ça c'est une fausse doctrine. Le Seigneur n'enlèvera pas ceux qui n'ont pas accepté de se laisser sanctifier par le Seigneur, par l'eau de sa parole et par son esprit. Mais son épouse s'est préparée car il lui a été donné, c'est un don de Dieu, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. Ce ne sont pas nos propres œuvres qui nous sauvent, mais quand nous avons été sauvés, Dieu nous prépare des œuvres saintes qu'il nous demande de pratiquer. Et c'est un signe aussi de la nouvelle naissance, parce que si nous disons que nous sommes sauvés par la foi en Jésus, et qu'ensuite nous ne voulons pas pratiquer les œuvres de sainteté, de justice qu'il nous demande de pratiquer, moi je me pose des questions sur la réalité de la conversion au départ. Quand on est vraiment converti au Seigneur, même si on n'est pas encore complètement sanctifié, on désire l'être et on dit « Seigneur, tu vas agir dans ma vie pour m'enseigner, me révéler ta parole et tout ce que tu vas me montrer, je vais le faire Seigneur, quel que soit le coût. » Et là, Dieu me donne la grâce et il me donne la révélation de ses œuvres, tout ce que je dois faire, son plan pour ma vie, son plan pour ma famille, pour moi dans les derniers temps, et je vais entrer pleinement dans la bénédiction. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin. C'est la justice des saints qui nous est donnée par Dieu, mais que nous devons pratiquer. Nous devons nous en revêtir. Ce n'est pas Jésus qui va nous en revêtir de celle-là, mais il lui a été donné de se revêtir. C'est comme si Jésus nous présente la robe de mariée. Qui est-ce qui revêt la robe de mariée? C'est la mariée. Elle-même, elle se revêt, elle se prépare, elle se fait belle pour son fiancé qui l'attend, qui va être son époux bientôt. Jésus nous présente sa robe de sainteté, de justice, et il nous dit, est-ce que tu veux t'en revêtir, oui ou non? Est-ce que tu veux quitter tes oripeaux souillés, tachés? Est-ce que tu veux te revêtir? Et une fois que tu t'en es revêtu, est-ce que tu veux bien surveiller à ne pas tacher cette robe, ou en tout cas, si elle est tachée, reviens vite, mon sang efface ces taches. Et l'ange me dit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Heureux. Parce qu'il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Et les élus, ce sont les appelés qui ont répondu oui. Ça ne dépend pas du caprice de Dieu. Dans Apocalypse, toujours, au chapitre 2, le Seigneur parle aux églises. Et j'aimerais qu'on regarde certaines des choses qu'il dit à l'Église, à celle qu'il est en train de préparer pour son épouse et qu'il veut purifier et sanctifier. Au chapitre 2 et 3 de l'Apocalypse, il parle à sept églises, qui sont des églises qui ont existé. Sur le plan symbolique, on peut aussi en retirer des enseignements pour nous, Église du Seigneur, parce que quand il parle à ces églises-là, il parle à nous aujourd'hui, à l'Église du Seigneur. Et il nous dit au chapitre 2, c'est Jésus qui parle, hein. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, que tu les as trouvés menteurs. » Tout ça, c'est très bon. « Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es pas lassé. » C'est magnifique, ça, comme portrait. Mais ce que j'ai contre toi, si j'entendais le Seigneur me parler comme ça, je dirais attention, il y a quelque chose qui ne va pas là. Ce que j'ai contre toi, vous vous rendez compte? Mais ce que j'ai contre toi, c'est que Tu as abandonné ton premier amour, ton amour premier, celui que tu avais pour moi au début. Tu l'as abandonné, tu es rentré dans la routine. Tu es rentré dans quelque chose où tu as laissé diminuer ce premier amour. Ça peut arriver dans des couples aussi. Hein? Quand on se connaît au début, c'est tout nouveau, tout beau. Et puis on laisse la tradition et l'habitude s'installer. Jésus ne veut pas ça entre lui et nous. Et il lui dit, tu es pleine d'œuvres, tu es pleine de bonnes choses, et tu n'as pas supporté les méchants, d'accord, tu as souffert même, mais tu as abandonné ton premier amour. Toutes ces œuvres-là, tu ne les fais plus dans l'amour de ton cœur, tu les fais par obligation religieuse. C'est très bien, mais tu as abandonné ton premier amour. Et vous rappelez ce que Jésus dit à ses disciples? Il leur dit, vous êtes vraiment mes amis si vous faites ce que je vous demande, ce que je vous commande. Celui qui m'aime gardera ma parole. Donc, pour le Seigneur, abandonner le premier amour revient à abandonner la parole du Seigneur, abandonner la pleine parole du Seigneur. On n'a plus cet amour d'obéissance de cœur à la parole de Dieu, donc au Seigneur. Et on entre dans toute une série d'œuvres religieuses qui couvrent notre désobéissance, mais qui n'échappent pas à l'œil du Seigneur. Il a un œil perçant. Il voit au fond des cœurs. Il ne regarde pas à l'apparence. Il ne regarde pas aux œuvres, il regarde au cœur. Est-ce que tu as gardé ton premier amour pour moi? Ton amour premier, ton amour qui consistait à me mettre en premier en disant, Seigneur, c'est par amour que je fais ça, c'est par amour que je me laisse travailler par toi et consacrer à toi. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. C'est une chute. Et repens-toi. Il y en a qui pensent que la repentance, c'est pour les païens ou ceux qui ne sont pas convertis. Mais Jésus parle à l'Église et il lui dit, repens-toi. Ça veut dire qu'elle a péché, qu'elle est tombée. Et elle a péché non pas parce qu'elle est voleuse, menteuse, adultère. Rien de tout ça. Elle a simplement abandonné son premier amour. Alors que nous ayons abandonné notre premier amour ou que nous n'ayons pas ce premier amour dans le cœur, c'est la même chose pour le Seigneur. C'est peut-être encore plus grave de l'abandonner après l'avoir eu. Mais quand on n'a pas cet amour ardent pour le Seigneur et sa parole, ou quand on l'a eu et qu'on l'a abandonné, on a chuté, on a péché, et on a besoin de se repentir, c'est-à-dire de changer de cap en disant, Seigneur, je reviens. Remplis mon cœur de ton amour pour ta parole, parce que celui qui m'aime gardera ma parole. À celui qui vaincra. Et il dit sept fois aux sept églises à la fin, à celui qui vaincra. Nous sommes dans un combat. Ce travail de purification et de sanctification, c'est un combat de tous les instants, de tous les jours. Parce que le malin est là, la chair est là, le monde est là, avec toutes ses attractions, avec toutes ses convoitises, et avec ses pièges et ses séductions. Et constamment, je dois combattre le bon combat de la foi, mais je ne pourrai le combattre et vaincre que si je suis dans l'amour du Seigneur. Par amour pour toi, parce que je veux paraître devant toi comme une épouse. Sainte et pure, Seigneur, tu mérites d'avoir une épouse sainte et pure. Tu mérites, Seigneur, que je fasse tous mes efforts, associés à tous les efforts que tu fais, et tous les deux ensemble, nous vaincrons, Seigneur. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. Ça veut dire que je lui assurerai pleinement un salut éternel dans son ciel de gloire pour l'éternité. Et sur cette église, il dit à cinq églises, repens-toi. Et c'est intéressant de voir pour chacune à propos de quoi il lui demande de se repentir. La première, là, c'est qu'elle a abandonné son premier amour. Elle n'obéit plus au Seigneur et à sa parole. Il dit à l'église de Smyrne, je connais tes œuvres, ta tribulation, etc. Il lui parle de persécution et il lui dit, sois fidèle jusqu'à la mort. À celle-là, il n'a rien à lui reprocher. Il lui annonce simplement des persécutions, des souffrances, des épreuves et des tribulations. Mais il dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Ça veut dire qu'il est possible que tu ne sois pas fidèle jusqu'à la mort. Il est possible que l'Église ne soit pas fidèle jusqu'à la mort. La doctrine du salut assuré éternellement, la sécurité absolue, ce n'est pas une doctrine biblique. La sécurité est absolue si je reste dans la main du Seigneur. Si je reste pleinement dans l'obéissance, elle est assurée de manière absolue. Il n'a rien à lui reprocher. Il lui annonce des choses difficiles et il l'encourage. Sois fidèle, je te donnerai la couronne de vie. Je suis avec toi. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Ça veut dire que celui qui ne vaincra pas aura à souffrir la seconde mort. Hein? Prenez le contre-pied. Celui qui ne vaincra pas aura à souffrir la seconde mort. Vous vous rendez compte qu'il parle aux églises, à celles qui ont été rachetées par son sang. Et il dit à l'église qui est infidèle et qui est tombée, il dit, si tu ne te repens pas, tu auras à souffrir la seconde mort, c'est-à-dire la perdition éternelle. À Pergame, il lui dit, je sais où tu demeures et que là est le trône de Satan. Là où tu demeures, mon église, là est le trône de Satan. Vous vous rendez compte? Tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là, ça veut dire chez toi, tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak, etc. Tu as au milieu de toi des gens qui sont associés à des fausses doctrines et qui les enseignent. Et tu les supportes. Quelle leçon pour nous chrétiens. Combien de fois nous avons supporté des fausses doctrines, des traditions d'hommes qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Dieu s'adresse à l'ange de l'Église, ou au responsable de l'Église, et à toute l'Église, et il leur dit, tu as là, au milieu de toi, des gens qui enseignent des doctrines pernicieuses. Et tu n'as pas réglé ce problème-là. La doctrine de Balaam, c'était un faux prophète qui avait pourtant reçu des révélations de Dieu bien réelles, et il n'avait pas pu obtenir de Dieu qu'il maudisse le peuple de Dieu, mais il avait réussi à faire pécher le peuple de Dieu en attirant des femmes étrangères pour que les hommes soient séduits et tombent dans le péché et sacrifient aux idoles et aux faux dieux avec ces femmes étrangères. Donc il avait finalement joué par la bande et il avait réussi à séduire le peuple comme ça, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement pour qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles et qu'il se livre à l'impudicité. Donc, ce que le Seigneur lui reprochait à cette église, c'est qu'elle avait au milieu d'elle des hommes qui enseignaient des doctrines pernicieuses dont la conséquence était que le peuple de Dieu consommait des viandes sacrifiées aux idoles et se livrait à l'impudicité. Alors, pour nous, spirituellement, ça veut dire quoi, ça? Bien sûr, on ne va pas aller manger forcément des viandes sacrifiées à des idoles en sachant ce que c'est, ou on ne va pas se livrer forcément à l'impudicité grossière, c'est possible, hein, mais pour nous, au sens spirituel, ça veut dire qu'on laisse entrer dans l'Église des choses ou des enseignements qui ont pour conséquence d'enlever la prééminence de Jésus et de sa parole pour le remplacer par une idole. Une idole, c'est tout ce qui prend la place de Dieu et qui n'est pas Dieu. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être ma dénomination, c'est une idole. Ou mon église, c'est une idole. Ou mon pasteur, c'est une idole. Ou même le travail que le Seigneur m'a donné, c'est une idole. Ça peut être n'importe quoi, mais si ça remplace la position prééminente de Jésus dans ma vie, c'est une idole. Et il y a des enseignements qui introduisent des idoles dans le cœur des enfants de Dieu. Parce qu'ils remplacent le Seigneur et sa parole par quelque chose d'autre. À partir du moment où on enseigne à quelqu'un de désobéir au Seigneur, même si on ne dit pas que c'est une désobéissance, mais si on enseigne des doctrines qui sont en fait des désobéissances au Seigneur, on est en train d'introduire des idoles dans l'Église. Parce que le propre d'une idole, c'est une désobéissance au Seigneur. On fait quelque chose qui déplaît au Seigneur. On a remplacé le Seigneur par quelque chose d'autre. Toute fausse doctrine introduit une idole. On s'incline devant quelque chose qui n'est pas la parole de Dieu, qui n'est pas le Seigneur. L'impudicité, c'est tout ce qui touche à l'impureté au sens strict du terme, c'est-à-dire l'impureté sexuelle, la prostitution, au sens sexuel. Et puis l'impudicité au sens spirituel, c'est la prostitution spirituelle, se tourner vers des choses qui ne sont pas, encore une fois, la parole du Seigneur, c'est de la prostitution, ou se tourner vers quelque chose qui n'est pas le Seigneur, ou quelqu'un qui n'est pas le Seigneur. Mais l'idée de base, c'est prostitution. On quitte le vrai mari, le vrai fiancé, pour s'attacher à quelqu'un qui n'est pas le vrai mari. L'Antichrist et ses doctrines, Satan et ses doctrines. Et là, tu supportes ça et tu laisses faire. Tu as des gens au milieu de toi attachés. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec L'épée de ma bouche, la parole du Seigneur, l'épée. Il faut que nous osions prêcher la parole de Dieu telle qu'il la donne. Que nous soyons prédicateurs, que nous soyons hommes et femmes, simples témoins de Christ, que nous osions dire « Jésus a dit ». Ça, c'est l'épée de l'esprit. Et l'épée de l'esprit, elle tranche entre l'erreur et la vérité. Il faut que nous osions la dire sans compromis, avec amour, mais que nous osions la dire. Le Seigneur a dit, j'ai étudié sa parole, c'est comme ça. L'impudicité entre aussi dans l'Église par une grande porte ouverte, c'est les divorces et remariages de chrétiens. Je ne parle pas des péchés sexuels qu'on encourage indirectement, c'est-à-dire au niveau des jeunes, on enseigne plus sérieusement ce que c'est que le flirt, les vraies fiançailles au nom du Seigneur, sortir ou pas sortir, les impuretés de ce niveau-là ouvrent la porte dans l'Église à l'action de Satan et à l'impureté sexuelle et à la convoitise. Mais quand on enseigne qu'un chrétien peut divorcer pour certaines raisons et qu'il peut se remarier, on introduit l'adultère dans l'Église, on introduit l'impudicité, on introduit toutes ces abominations que Jésus ne veut pas. Jésus permet la séparation pour cause d'adultère, mais il ne permet pas le remariage, c'est très clair. Et il dit à ceux qui sont séparés, « Eh bien, vous restez là, vous intercédez pour celui qui s'est égaré, et tu attends, et tu attends, et tu persévères, et moi, je suis avec toi dans ce cas-là. » Si on ne le fait pas, on introduit l'impudicité. Il y a des églises maintenant, et ça existe, où il y a 2/3 des chrétiens qui sont divorcés et remariés. Le problème, c'est quand on ne reconnaît pas ça comme péché. Quand on le reconnaît comme péché en disant « Seigneur, j'ai fauté, j'ai pas compris, j'étais pas éclairé, maintenant que j'entends ta parole, mais je réalise, je comprends, je te demande pardon Seigneur, et maintenant fais-moi la grâce, montre-moi la solution, qu'est-ce que je dois faire? J'ai été marié, divorcé 3 fois et maintenant je suis là avec la 3e, qu'est-ce qu'il faut faire Seigneur? Donne-moi la grâce de me révéler ta pensée pour que j'aille pas plus loin dans la catastrophe. » Et Dieu va montrer la solution à ce moment-là. Mais parce qu'on s'est repenti, on a reconnu ça comme un péché. Que celui qui a des oreilles entende. Thyatire, au verset 18, il dit, « Je connais tes œuvres, verset 19, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. » Il y a beaucoup d'églises qui aimeraient bien être décrites comme il l'a décrit là. « Tes œuvres, ton amour, ta foi, l'amour, la foi, les choses les plus importantes, ton fidèle service, ta constance. » Mais ce que j'ai contre toi, Seigneur, va rien laisser de côté. Dans ces derniers temps où il nous demande de nous préparer, il va mettre le doigt sur la moindre tâche. Il nous donne aussi la grâce de l'effacer, hein, mais il va mettre le doigt sur la moindre tâche, la moindre ride. Ce que j'ai contre toi, comment était-ce possible dans une église comme ça, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse. Jézabel était la femme d'un affreux roi Acab, un roi apostat, qui avait introduit l'idolâtrie et l'occultisme et le satanisme dans le peuple du Seigneur. Donc là, spirituellement, c'est des faux prophètes ou fausses prophétesses qui parlent de la part du Seigneur pour enseigner des choses mauvaises. C'est exactement le même problème que l'autre. Enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Le même problème dans cette église. Et là, en plus, c'est fait par une femme qui se dit prophétesse. Je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente. Et elle ne veut pas se repentir. Vous voyez comme le Seigneur est bon. Il lui a parlé. Cette femme, ça peut être une femme réelle qui se dit prophétesse, ou ça peut être une partie de l'Église qui se dit avoir reçu des révélations de Dieu, qui est en train d'enseigner des abominations et des fausses doctrines qui vont pousser le peuple de Dieu dans des directions qui ne sont pas celles du Seigneur. Je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente. Ça veut dire je lui ai parlé, je lui ai montré que c'était faux, et elle ne veut pas, il ne dit pas, elle ne s'est pas du tout rendue compte. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Pour le Seigneur, il faut qu'on comprenne bien que tout ce qui nous tient à l'écart de la vérité, c'est de l'impudicité. C'est de l'impureté, c'est de la prostitution spirituelle. Si je suis une doctrine qui n'est pas la parole de Dieu, pour le Seigneur, je me suis écarté de l'époux et de sa parole et je suis dans l'impureté. Donc le travail du Seigneur de purification, c'est d'enlever de mon cœur toutes les fausses doctrines, les traditions des hommes qui sont de l'impureté pour lui, par la repentance. Je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent. Et frères et sœurs, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Le Seigneur va envoyer, écoutez bien, le Seigneur va envoyer sur toute la partie de l'Église qui se dit Église de Jésus, mais qui ne veut pas abandonner les traditions des hommes, les fausses doctrines et les choses qui actuellement sont considérées par Dieu comme de l'impudicité. Le Seigneur va envoyer une tribulation telle sur cette partie de l'Église qu'elle sera jetée sur un lit spirituellement, c'est-à-dire elle sera mise à terre, elle sera livrée au spectacle de tous. On verra qu'elle a été dans l'adultère. Elle sera jetée sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère. Je ferai mourir de mort ses enfants. Ça peut être physique, ça peut être spirituel, mais il y aura un jugement. Tous ceux qui ont accepté de suivre ces doctrines et qui ne vont pas se repentir seront punis de mort par le Seigneur. C'est des choses sérieuses. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Ce sont des paroles d'amour. On parle toujours d'un doux Jésus qui est gentil, mignon, qui pardonne tout. Mais est-ce que on regarde ces paroles qui sont des paroles fortes? Je ferai mourir de mort ses enfants. C'est des paroles qu'il faut mettre dans nos cœurs aussi. Et toutes les églises connaîtront, toute l'église connaîtra qui marche avec Dieu et qui ne marche pas avec Dieu. On verra quels sont les serviteurs de Dieu qui sont fidèles, ceux qui ne le sont pas. Dieu va mettre toutes choses à nu. Il va dévoiler les choses cachées. Il jettera les incrédules et les impudiques sur des lits de douleur et de tribulation. Mais à vous, tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine, pourquoi ils ne la reçoivent pas? Parce qu'ils ont écouté, ils ont comparé, ils ont interrogé le Seigneur, ils ont lu la parole, ils ont dit non, ça ne va pas. Ce n'est pas du Seigneur, je la refuse. Je la refuse. Je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le. Ce que vous avez, c'est-à-dire la vérité de ma parole, puisque vous avez testé ça et que vous avez rejeté l'erreur, ce que vous avez, gardez-le, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Gardez fidèlement toute la vérité que je vous montre et tout ce que je vais vous montrer comme vérité, gardez-la. C'est elle qui va vous garder. À celui qui vaincra, je donnerai autorité sur les nations. Ça veut dire que quand Jésus reviendra, tu régneras avec lui sur la terre. Celui qui régnera avec Jésus, ce n'est pas n'importe qui. C'est celui qui aura résisté à l'erreur et au mensonge, qui aura accepté le prix et qui va tenir ferme jusqu'au bout. À Sardes, au chapitre 3, il dit « Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. » Vous vous rendez compte qu'il parle à l'Église? Tu passes pour être vivant. Il y a des églises qui passent pour être très vivantes. Oh, on loue formidable, une musique terrible, des louanges à tout casser. Et puis, il se passe des choses apparemment. Mais aux yeux de Jésus, tu es mort. Tu es mort parce que tu ne gardes pas la vérité, tu ne gardes pas ma parole. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Le Seigneur est bon, il voit quand même qu'il y a un petit lumignon qui fume. Et il lui dit, tu n'es pas complètement mort. Il y a quelque chose qui fume encore et je le vois. Et je suis là, non pas pour éteindre le peu qui reste encore, mais pour te dire, affermis le peu qui reste encore, ranime-le. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Et si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Un voleur ne prévient pas. Quand Jésus viendra pour enlever l'Église, il ne va pas prévenir du jour et de l'heure. Il va prévenir par son esprit pour savoir qu'on est dans les temps et qu'on doit se préparer, mais il viendra comme un voleur. Et surtout ceux qui n'ont pas accepté de se laisser travailler par le Seigneur, là, ceux-là, vraiment, le Seigneur va revenir sur eux comme un voleur, non pas pour les prendre, mais pour les dépouiller complètement. Cependant, tu as Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Ça veut dire que celui qui ne vaincra pas verra son nom effacé. Il y était inscrit son nom. Il y était inscrit, puisqu'on ne peut pas effacer quelque chose qui n'était pas inscrit auparavant. Ton nom était inscrit sur le livre de vie, lui dit le Seigneur. Eh bien, parce que tu n'as pas persévéré dans les vêtements blancs, tu ne t'es pas laissé sanctifier, tu n'as pas rejeté l'erreur, tu as écouté des fausses doctrines, tu ne les as pas testées, tu ne t'es pas repenti quand je t'ai montré, eh bien, j'effacerai ton nom. Mais celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs, je n'effacerai pas son nom et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Ça, c'est une belle récompense, hein. Ça vaut tous les sacrifices du monde. Vous voyez, devant le trône du Père, Jésus qui te fait rentrer et qui te dit « Tu as été fidèle jusqu'au bout, et bien devant mon Père et devant vous tous les anges et les myriades, je confesse son nom. Il, elle a été fidèle jusqu'au bout. » Et fait partie maintenant, entre dans les noces qui te sont préparées. Et l'église de Philadelphie, je vais aller plus vite parce que c'est l'église fidèle, celle-là, parce que je voudrais surtout insister sur les erreurs et le travail de purification, mais celle-là, l'église de Philadelphie, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'il lui dit. Elle est fidèle, et il lui dit, « Je connais tes œuvres parce que tu as peu de puissance. » Ça paraît bizarre, ça. Tu as peu de puissance. Bon, il y en a tellement qui cherchent aujourd'hui la puissance, la puissance. Tu as peu de puissance, et tu as gardé ma parole, et tu n'as pas renié mon nom. Nous n'avons aucune puissance personnelle. L'Église du Seigneur ne doit avoir aucune puissance personnelle. Toute sa puissance lui vient du Seigneur Jésus. Et dans la mesure où elle se dépouillera de toute puissance personnelle, humaine, elle va être revêtue de la puissance glorieuse du Seigneur Jésus. Et ce ne sera pas sa puissance. Elle n'a pas renié le nom du Seigneur et elle a gardé sa parole. Vous voyez la récompense des fidèles. Parce que tu n'as pas renié ma parole et que tu as gardé mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Ça veut dire, tout ce que tu entreprendras réussira parce que ça vient de moi. Parce que tu es à l'écoute de ma voix et tu ne vas pas oser faire quelque chose que je ne te demande pas de faire. Tout ce que tu entreprendras réussira parce que c'est moi qui le fais en toi. Une porte ouverte que personne ne peut fermer. Il n'y a que toi qui peux la fermer par ta désobéissance, mais personne ne fermera la porte. Et la porte, c'est la porte pour le service du Seigneur, c'est la porte entre Jésus et moi, il est la porte. Hein. Une porte ouverte, ça veut dire que Jésus qui est la porte m'ouvre tous les trésors de sa présence, il m'ouvre tous les trésors de sa communion, parce que j'ai gardé sa parole et que j'ai pas renié son nom. La porte est ouverte pour toi, bien-aimé. Viens quand tu veux. La porte est ouverte. Ça vous arrive de dire ça à des amis? Ma porte, elle t'est ouverte. Hein? Elle a beau être un peu fermée comme ça, mais elle n'est pas fermée à clé. C'est la même chose avec Jésus. La porte entre Jésus et moi sera toujours ouverte si je garde sa parole. Il va me parler, me donner des révélations, me conduire, me diriger. Et en même temps, la porte de son service. Si je suis dans le plan du Seigneur, aucune porte ne sera fermée. Et il dit, je te donne ceux de la synagogue de Satan, qui ne le sont pas mais qui mentent, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Celui qui garde ma parole, c'est celui qui m'aime. Et je te garderai parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai à l'heure de la tentation, c'est-à-dire de la séduction qui vient sur le monde entier pour l'éprouver. Il va y avoir dans ces derniers temps une séduction tellement épouvantable, tellement grande, tellement puissante. Et la différence entre l'erreur et la vérité en matière de séduction est minime. Ça veut dire que Satan va venir avec une apparence presque absolue de vérité. Mais une grande séduction va présenter des choses merveilleuses qui vont avoir l'apparence de la vérité, mais qui seront fausses, véreuses, et qui seront une séduction pour entraîner à la perdition. Et si on n'est pas gardé par Jésus, on n'aura aucune chance de tenir. Tous ceux-là vont être séduits, vont aller pieds et poings liés entre les mains de l'Antichrist dans la perdition. Donc il faut qu'on ait le discernement, et le discernement nous sera donné par le Seigneur qui va nous garder si nous gardons sa parole en disant « Seigneur, tu sais que moi, je ne peux rien. Je peux être séduit n'importe comment par des choses aussi grandes qui vont m'arriver dessus, mais Je confesse que je ne le serai pas parce que je veux garder ta parole, je ne veux pas renier ton nom, je veux t'obéir et je veux que tu m'enseignes, je veux te suivre. Et là, la promesse de Jésus, c'est « je te garderai ». Ce n'est pas nous qui allons nous garder, c'est Jésus qui va nous garder. Nous, nous allons nous garder des fausses doctrines, nous allons nous garder de quitter le Seigneur et lui nous gardera de la séduction. Et il dit à la dernière église, Laodicée, au verset 14, « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ?» J'ai souvent remarqué que ce qui devenait le plus bouillant pour le Seigneur après, c'est ceux qui avaient été les plus froids avant. Ce n'est pas toujours vrai, hein, mais je l'ai souvent vu, c'est-à-dire des gens qui combattaient, comme l'apôtre Paul, combattaient à fond contre l'Église, ils persécutaient les chrétiens, ils les faisaient mourir, ils les jetaient en prison. Ce n'était pas un tiède, lui. Hein. Alors, de l'autre côté, au service de Satan, à fond. Et quand il s'est converti, terrassé par la puissance de Jésus sur le chemin de Damas, il a mis tout son bouillant au service du Seigneur et il a été à fond pour le service du Seigneur, dans une consécration totale. Et là, il parcourait les routes, non pas pour mettre les chrétiens en prison, mais pour annoncer la parole, pour fortifier l'Église, pour l'édifier, pour faire avancer le royaume de Dieu. Et Jésus dit, je voudrais que tu sois froid ou bouillant. Si tu es froid, au moins tu as une chance d'être vraiment bouillant. Mais si tu es tiède, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ça veut dire que tu y étais dedans. Tu y étais dedans, tu étais là dedans, au fond. Et parce que c'est tiède, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, alors quel est le signe de la tiédeur? Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. L'Église tiède. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Il lui dit, maintenant je te préviens, mais repends-toi, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé, des vêtements blancs. Acheter, ça veut dire qu'il ne va pas le payer par ses œuvres, mais ça veut dire que tu vas te repentir et que tu vas enfin décider de faire tous les efforts pour recevoir du Seigneur ce qu'il veut te donner. Tu vas acheter de moi la sainteté. Elle te est donnée gratuitement, la sainteté, tu n'auras pas à la payer. Mais tu vas faire un effort pour lire ma parole, tu vas faire un effort pour me prier, tu vas faire un effort pour avoir une vie de prière plus conséquente, tu vas avoir un effort pour lire ma parole et la méditer d'une manière un peu plus sérieuse. Pour que je puisse travailler en toi par mon esprit et t'enseigner, ces choses ne viendront pas automatiquement sur toi. Si tu ne pries pas, si tu ne lis pas ma parole, si tu ne fais pas ces choses toi-même, le Seigneur ne les fera pas pour toi. Mais quand tu les fais, mon esprit va travailler en toi pour te transformer. Et moi, dit le Seigneur, je vais te transformer, te changer. Mais tu dois faire cet effort dans ma communion. Et parce que tu ne le fais pas, je t'engage à le faire. Et un collier pour oindre tes yeux pour que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai. On utilise souvent ce verset pour les inconvertis, mais c'est à l'Église qui parle. Ce n'est pas à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Il frappe à la porte de l'Église de Laodicée, la tiède, et il lui dit, je suis ton époux, je reviens bientôt, je veux rentrer pour te changer, te rendre bouillante. Le Seigneur frappe, il ne veut pas violer notre volonté. L'Église de Laodicée peut très bien dire, Seigneur, je suis très bien comme ça, j'ai besoin de rien, reste où tu es, Seigneur, j'ai besoin de rien, je suis riche, je suis tranquille, j'ai des beaux bâtiments, j'ai plein de sous dans la caisse, on a 1500 personnes dans l'Église, on fait des louanges merveilleuses, on a tout ce qu'il faut, mais Jésus dit, tu es tiède parce que tu as rejeté ma parole. Je frappe. Tu veux me laisser rentrer? Je veux souper avec toi. C'est merveilleux cette image, souper dans l'intimité avec toi. Je veux t'apprendre à retourner aux pieds de ton Seigneur pour recevoir de lui sa nourriture, la vraie. Quand le Seigneur nous montre l'urgence qu'il y a dans ces derniers temps à le laisser achever cette préparation de l'Église, eh bien, ça doit amener des changements dans notre vie. Et il va y en avoir des changements que le Seigneur va nous montrer à tous les niveaux. Et on doit être décidé à obéir au Seigneur de bon cœur. Ça va entraîner des persécutions et des souffrances. Je crois que l'Église des derniers temps va revenir au modèle de la parole de Dieu. Ça va être des églises de maison, des petits groupes informels qui seront dirigés par des ministères choisis par Dieu, envoyés par le Seigneur, qui vont faire une action puissante dans ces derniers temps, qui seront remplis du Saint-Esprit et de feu, et qui vont aller évangéliser, qui vont se préparer à l'avenue du Seigneur. Et les grandes églises institutionnalisées, elles vont rentrer à flot dans le corps de la prostituée, dont je n'ai pas eu le temps de parler ce soir, mais de même que l'épouse se prépare, la prostituée se prépare. Et la prostituée, c'est le rassemblement de toutes les églises apostates sous la direction de Rome. Pas seulement l'église catholique romaine, mais toutes les églises apostates qui ont renié la plénitude de la vérité et qui ont décidé de s'associer à l'église de Rome sera constituée par la prostituée. On voit ça dans l'Apocalypse 17, clairement. Mais j'en parlerai la prochaine fois. Je préférais parler d'abord de l'épouse que de la prostituée. Nous voulons faire partie de l'épouse et pas de la prostituée. Donc, faire un choix très clair et net, et dans les derniers temps, personne ne pourra rester entre deux chaises. Personne pourra choisir l'un ou l'autre. Et nous choisissons l'épouse du Seigneur parce qu'on l'aime. Amen. Alléluia. Il y a une chose dont j'aimerais parler ce soir et qui n'est pas toujours bien comprise par tout le monde, c'est que la parole de Dieu dit que l'Église est un mystère qui a été caché de tous les temps et qui a été révélé à la fin des temps, au moment où Jésus est venu sur la terre et au moment de la Pentecôte, le Seigneur a institué l'Église. Et l'Église, c'est un mystère qui est révélé maintenant. Même les prophètes de l'Ancien Testament n'avaient pas une vue claire de ce que c'est que l'Église. Les prophètes ont prophétisé sur la venue du Seigneur, du Messie, ils ont prophétisé sur le salut, ils ont prophétisé sur les événements de la fin. Mais cette période de l'Église n'était pas clairement révélée. Elle nous est nettement montrée dans la Nouvelle Alliance. Qu'est-ce que c'est que l'Église ? Jésus va venir enlever seulement son Église, épouse. Les autres ne vont pas être enlevés. Et l'Église, c'est celle qui est prête pour l'enlèvement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être prêt pour l'enlèvement ? Il faut avoir une belle robe blanche, sans tache. Parce que Jésus va enlever son épouse. Et il va enlever une épouse qui a une robe toute blanche. Vous avez déjà vu des mariages ? Vous avez déjà vu des mariés avec des robes toutes tachées, toutes sales, des haillons? Non, en général, les mariées, elles font tout pour avoir une belle robe bien propre, bien blanche. Jésus va venir enlever une épouse qui est prête, qui est nettoyée, qui est sanctifiée par le sang de Jésus et par la parole de Dieu. Une épouse qui lui obéit, ou qui est décidé de lui obéir, une épouse qui est consacrée à son Seigneur. Tout pour Jésus. Et ce n'est pas tous les chrétiens qui vivent ça. Ça veut dire que les chrétiens qui ne vivent pas ça, c'est-à-dire qui sont un pied dans le monde, un pied dans l'Église, ou qui sont dans le péché, qui n'ont pas confessé leur péché alors que Jésus leur a montré, il leur a montré qu'il y avait des péchés, à confesser et à abandonner. Bien sûr, quand nous venons à Jésus, le sang de Jésus nous lave de tous nos péchés et on rentre dans le corps de Christ. Mais après, ça ne veut pas dire qu'on va commencer à faire des péchés et qu'on va y rester. On peut tous faire des péchés. C'est possible de faire des péchés. Le Seigneur n'aime pas qu'on en fasse, c'est vrai, mais c'est possible. Ce n'est pas une impossibilité de pécher. On peut pécher, mais ce que demande le Seigneur, c'est de lutter de toutes nos forces contre le péché. Paul dit même, vous n'avez pas lutté jusqu'au sang contre le péché. Ça veut dire qu'on est tellement sensible au Saint-Esprit que dès qu'on pêche, le Seigneur nous demande de le confesser pour que le sang de Jésus nous lave. Et puis on doit écouter la voix du Saint-Esprit parce qu'il fait remonter de temps en temps, ou régulièrement, il fait remonter des choses là qui étaient cachées au fond, des mauvaises pensées, des mauvais sentiments qu'on avait gardés au fond du cœur. Ça n'a pas empêché qu'on soit pardonné de tous nos péchés, mais le Seigneur, il veut nous nettoyer de tout ça. Parce que quand ça remonte et quand ça s'exprime, une mauvaise parole, une mauvaise pensée qui remonte, des pensées de colère, des pensées de haine, des pensées de jalousie, des pensées de dispute, qui remontent et puis on les laisse s'exprimer dans nos vies. Ce sont des péchés, ça. Et quand ça se passe, le Seigneur veut qu'on les confesse et qu'on les lave dans son sang et puis qu'on lui dise, Seigneur, tu me nettoies dans le fond de tout ça. Une faiblesse de la chair, une chute, c'est pas ça que Jésus appelle la pratique du péché. Quand ça nous arrive d'avoir une parole de travers ou une chute comme ça, eh bien, l'Esprit nous pousse immédiatement à la repentance et le sang de Jésus nous lave si nous nous repentons de nos péchés. 1 Jean le dit. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et le sang de Jésus nous lave de tout péché. Si nous faisons ça, nous sommes une fiancée fidèle. Mais si nous résistons au Seigneur quand il nous montre quelque chose, là ça devient très dangereux. Si le Seigneur montre quelque chose, je ne parle pas des choses cachées qu'il ne nous a pas encore montrées, mais je parle des choses qu'il nous montre, des choses qu'il faut régler dans nos vies, des choses qu'il faut rendre si on les a volées par exemple, des choses qu'il ne faut plus faire parce que Jésus ne veut pas qu'on les fasse. Si on le fait, qu'on sait que c'est mal et qu'on continue de le faire, on pêche et on va rater l'enlèvement, je vous le dis. Si on reste à le faire sans vouloir le confesser alors qu'on sait que c'est mauvais, on a un gros péché sur le cœur qui n'est pas lavé et ça empêche de partir. Parce que pour partir, il faut être léger. Il ne faut pas être lourd. Il faut avoir confessé ces choses-là. Quand on sait que c'est mauvais et qu'on les pratique en sachant que c'est mauvais. Alors tout le travail du Saint-Esprit pour préparer l'épouse, c'est de la garder constamment sous le sang de Jésus. Et puis, dès qu'il lui montre quelque chose, de l'amener à la repentance et de l'amener à confesser pour laver cette chose et l'éliminer de notre vie, pour qu'on ne pratique plus le péché. Vous avez compris ça? Alors si on est dans cette position, même si on n'est pas encore parfait en tout, à l'image de Jésus, eh bien si on est dans cette position de consécration, de recherche de la lumière du Saint-Esprit, et puis si on est obéissant, sensible à la voix de l'Esprit, qu'on est obéissant, dès qu'il nous montre quelque chose, on le règle. Si on fait une chute occasionnelle, on le confesse tout de suite et on règle ça devant le Seigneur tout de suite. Si on est dans cette position-là, alors on est prêt à être enlevé. Parce qu'on est ouvert à l'action du Seigneur. On a un cœur ouvert. On n'a pas une nuque raide. La nuque raide, c'est la nuque de ceux qui sont désobéissants. Jésus leur montre quelque chose et ils disent « Non, je ne veux pas !» Ça, ils ont la nuque raide. Eh bien, bien-aimés, ceux-là ne monteront pas dans l'enlèvement. Il faut bien vous dire ça, que ceux qui ont la nuque raide, qui désobéissent au Seigneur, ils ont beau dire qu'ils sont chrétiens, ils ont beau avoir été au départ convertis par la prédication de l'Évangile, être nés de nouveau, etc. Si ils ont la nuque raide et qu'ils vivent dans le péché, qu'ils ne veulent pas confesser et pas le mettre sous le sang de Jésus, ceux-là ne partiront pas. Ça veut dire qu'ils ne font pas partie de l'Église. Puisque seule la véritable épouse de Jésus va monter au ciel. Parce qu'actuellement, quand on parle de l'Église sur la terre, eh bien on dit Église, nous, de nos yeux d'hommes, on voit tous ceux qui s'appellent chrétiens, mais le Seigneur, lui, il voit au fond des cœurs, il voit qui appartient vraiment à son Église, à son épouse. Parce que l'Église et l'épouse, c'est la même chose, du point de vue du Seigneur, de notre point de vue à nous. Ce n'est pas la même chose, parce qu'on voit beaucoup de gens qui appartiennent à l'Église ou aux Églises. Et on ne peut pas savoir ce qui se passe dans leur cœur. Enfin, pas toujours. Jésus, il voit au fond des cœurs, il voit ceux qui sont prêts, qui veillent et qui prient, et qui ne vont pas se laisser surprendre. Parce que Jésus viendra comme un voleur. Mais son épouse, elle, elle ne sera pas surprise. Elle sera prête. Et ça, c'est important de le savoir, que tous ceux qui ont reçu le salut par le sang de Jésus ne vont pas nécessairement être enlevés. C'est important de réaliser ça. Dans beaucoup d'églises, on enseigne que tous ceux qui, au départ, ont reçu le salut en Jésus, ils vont automatiquement être enlevés. ils ne seront pas enlevés s'ils ne sont pas prêts. Jésus voudrait que tous ceux qui ont accepté son salut, tous ceux qui ont reçu la bonne nouvelle, tous ceux qui sont nés de nouveau par la foi en Jésus, Jésus voudrait qu'ils appartiennent tous à l'épouse et qu'ils soient tous enlevés. C'est la volonté de Dieu de sauver tous les hommes. Pourtant, on sait qu'il y en a qui ne seront pas sauvés. Pourquoi ? Parce que Dieu ne voulait pas les sauver ? Non. Parce qu'eux, ils n'ont pas voulu recevoir le message du salut. De la même manière, pour tous ceux qui ont reçu le message du salut, la volonté de Dieu, dans le temps que nous vivons, le temps de la grâce, qui est un temps unique, le Seigneur voudrait que tous ceux qui entrent dans le salut en Jésus-Christ fassent tous partie de ceux qui vont être enlevés. Et Jésus sait que ça ne sera pas le cas de tous, parce que certains vont refuser de se préparer. Ils ne vont pas perdre leur salut, mais ils ne vont jamais faire partie de l'épouse et ils n'auront jamais la position la plus haute dans le ciel du Seigneur, dans le tabernacle céleste, dans la présence de Dieu, dans la Jérusalem céleste pour l'éternité. Vous savez qu'il y a tous ceux qui ont hérité du salut avant l'Église, mais ils ne feront jamais partie de l'Église. Jésus dit de Jean-Baptiste, celui-là c'est le plus grand de tous les prophètes qui ont paru jusqu'ici. Et pourtant, dans le royaume de Dieu, le plus petit est plus grand que lui. Et Jean-Baptiste dit, moi, je fais partie des amis de l'époux. Ma joie est parfaite de voir l'époux avec l'épouse. Celle à qui appartient l'époux, c'est l'épouse. Ma joie est parfaite, moi je fais partie des amis de l'époux. Il sera à la table des noces de l'agneau en tant qu'ami de l'époux, mais il ne fait pas partie de l'Église. Aucun des saints de l'Ancien Testament, même les plus grands comme Abraham, Moïse, David, aucun ne fait partie de l'Église. Ce n'est pas de leur faute, ils sont nés dans une époque où ce n'était pas le temps de la grâce. Ils ne font pas partie de l'Église, mais ils sont sauvés. Ils vont faire partie des noces de l'agneau, ils seront à la table avec Jésus, ils feront partie des amis de l'époux et leur joie sera parfaite. Parce qu'ils comprendront et nous comprendrons tous pourquoi Dieu a fait les choses comme ça. Et quelle est pour nous qui vivons dans le temps de la grâce, l'abondance merveilleuse de sa grâce que le Seigneur nous le révèle. À aucune autre époque depuis la création de l'homme, il y a un temps de grâce comme le nôtre, où on peut avoir la possibilité de faire partie de l'épouse de Jésus, de l'Église, qui va être enlevée dans la gloire pour être l'épouse du Seigneur. Vous avez bien compris ça? Donc notre responsabilité est très grande. Notre responsabilité est unique. On a la possibilité de faire partie de l'épouse. Il faut prendre cette possibilité et ne pas la lâcher. Et être enlevé avec Jésus. Alors je voudrais parler aujourd'hui plus en détail de la chronologie des événements de la fin, telle que je la comprends dans la Bible. Donc je vais vous présenter quelque chose qui s'appuie essentiellement sur le livre de l'Apocalypse, et qui a été reçu du Seigneur dans la prière, mais que je soumets à votre analyse et à votre prière personnelle. C'est très important, quand vous écoutez prêcher la parole, de retourner devant le Seigneur et devant sa parole pour la tester et dire, Seigneur, tu vas me confirmer toi-même par ton esprit et ta parole. Alors, dans l'Apocalypse, nous ne voyons pas du début à la fin de l'Apocalypse un exposé chronologique des faits. En d'autres termes, si vous commencez à Apocalypse 1 et que vous finissez à Apocalypse 22, vous n'aurez pas la chronologie de tous les événements de la fin. Apocalypse 1 à 3, nous avons la vision de Jean qui voit Jésus en gloire et les messages de Jésus aux sept églises. Ensuite, à partir du chapitre 4, il y a vraiment un changement puisque Jean voit le ciel s'ouvrir et une voix lui dit « Monte !» Et il est enlevé en esprit dans les cieux où là il voit toute la suite des événements de la fin tels qu'elles doivent arriver. Et du chapitre 4 au chapitre 11 inclus, Jean voit la vision de tous les événements de la fin, mais sous l'angle d'Israël, sous l'angle des Juifs. Qu'est-ce qui va arriver aux Juifs et à Israël dans la fin des temps? Ceci nous est montré de Apocalypse 4, Apocalypse 11. Ensuite, Apocalypse 12 à Apocalypse 19 inclus, nous avons les mêmes événements de la fin qui sont montrés à Jean, et on verra des parallèles extraordinaires, les mêmes événements de la fin, mais vus sous l'angle de l'Église. Et puis, au chapitre 20, nous voyons, après le millénium, le grand jugement final du grand trône blanc. Et ensuite, 21 et 22, c'est les nouveaux cieux et la nouvelle terre, et l'éternité, le royaume de Dieu éternel, avec Jésus comme roi pour l'éternité. Donc je répète, Apocalypse 1 à 3, c'est le ciel s'ouvre, Jean voit Jésus, et Jésus donne un message aux sept églises. Apocalypse 4 à 11, les événements de la fin, mais pour Israël, sous l'optique des Juifs. Apocalypse 12 à 19, les mêmes événements de la fin, mais pour l'Église. 20, c'est le millénium et le jugement final. 21 et 22, nouveau ciel, nouvelle terre et royaume éternel du Seigneur. Alors, pour ma part, c'est ce qui permet d'expliquer le mieux le livre de l'Apocalypse, cette perspective-là. Nous allons nous attarder surtout au chapitre 12 à 19 de l'Apocalypse, puisqu'elle concerne l'Église. Je ne vais pas parler, on pourrait y passer du temps, mais je ne vais pas parler des chapitres 4 à 11 qui concernent les événements de la fin vus du côté juif. Pour les Juifs, Jean était aussi juif, il était aussi chrétien. Et vous savez que le peuple juif est le peuple de Dieu sur la terre. L'Église est le peuple de Dieu dans les cieux. On est aussi sur la terre, mais dans les cieux. Donc, dans tout le livre de l'Apocalypse, le Seigneur voulait donner à la fois un avertissement à son peuple sur la terre, puisque les Juifs seront mêlés de très près aux événements de la fin, avec l'Antichrist, l'alliance avec l'Antichrist, etc. Nous savons qu'ils passeront aussi par une grande tribulation. Et sur le plan spirituel, l'Église est également mêlée de très près aux événements de la fin, et le Seigneur a un avertissement pour les deux. Son peuple terrestre Israël, son peuple spirituel l'Église. C'est pour ça que tout est repris dans l'Apocalypse. Mais pour nous, ce qui nous concerne, on doit lire tout le livre, mais ce qui nous concerne ce soir, en tout cas directement, c'est l'avertissement de Jésus à l'Église, les chapitres 12 à 19. Alors je vais aussi ce soir parler surtout des chapitres 12, 13, 14, 15, 16. Donc ce soir, ce sera surtout 12 à 16. Parce que les chapitres 12 à 16 nous présentent la chronologie des événements de la fin pour nous chrétiens. Dans Apocalypse 12, Jean voit un grand signe dans le ciel, une femme en travail d'enfantement. Alors il y a eu plusieurs interprétations sur la femme. Certains ont dit que c'était Israël qui donne naissance au Christ, à Jésus. Certains disent que, notamment les catholiques, c'est la Vierge Marie qui donne naissance aussi à Jésus. Mais je crois pour ma part que la seule bonne interprétation, la seule, puisque quand on voit les versets, ni la Vierge Marie ni Israël ne peuvent entrer dans tous les détails qui sont présentés sur cette femme, la seule interprétation, c'est l'Église. Puisque la vision des événements de la fin pour l'Église commence au chapitre 12, le Seigneur commence à montrer à Jean l'Église, telle qu'elle se trouve dans les temps de la fin. Et cette femme est l'Église. La femme, c'est l'Église visible sur la terre et celle qui est constituée de tous ceux qui ont confessé Jésus comme leur Seigneur et Sauveur un jour, réellement, qui sont nés de nouveau, qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit, nés de l'Esprit et baptisés de l'Esprit. Elle est enveloppée du soleil. On sait que dans la Bible, le soleil, c'est le soleil de la justice de Dieu. Le soleil de la justice de Dieu. Dans Malachie 4:2, vous le voyez. Je ne vais pas le lire, mais je vous cite. Donc, l'Église est revêtue de la justice du Seigneur. C'est pour ça qu'elle est enveloppée du soleil. Elle a la lune sous les pieds, sous ses pieds. La lune, on sait que c'est un symbole occulte aussi. Mais là, ici, en ce qui concerne l'Église, ce n'est pas cette interprétation qui est la bonne, puisque la femme est posée sur la lune, et on sait que la lune est un astre qui n'a pas de lumière en lui-même, mais qui reflète la lumière du soleil. Et la véritable Église de Jésus n'a pas de lumière propre, elle reflète la lumière de Dieu. Elle est montée donc sur ce petit piédestal lunaire qui ne reflète absolument pas sa propre lumière, mais la lumière du soleil, et qui représente l'humilité, l'obéissance dans la grâce de Dieu. Enfin, pour moi, c'est vraiment l'interprétation qui me satisfait le plus. Et les 12 étoiles, une couronne de 12 étoiles, les étoiles dans l'Apocalypse représentent les serviteurs de Dieu, les messagers de Dieu. Tout à fait au début du livre, le Seigneur s'adresse aux églises, et il montre dans sa main 7 étoiles. Il dit, ces 7 étoiles, ce sont les anges des églises, ou en autre terme, ce sont les messagers des églises, ou les serviteurs du Seigneur. On voit dans un autre passage, dans Daniel 12, 3, vous pouvez prendre le verset, on ne va pas le lire, mais dans Daniel 12, 3, il est dit que ceux qui auront enseigné la parole et qui auront été fidèles, brilleront comme des étoiles dans le ciel. Alors, les 12 étoiles, c'est d'abord les 12 apôtres de l'agneau et symboliquement les serviteurs du Seigneur. Les serviteurs du Seigneur. Elle a les 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait en travail d'enfantement. L'apôtre Paul, il dira, « Je suis dans les travaux d'enfantement pour vous enfanter à Christ. » En tant que serviteur de Dieu, il travaillait à enfanter l'épouse du Seigneur. Il y travaillait. On sait que tous les ministères, dans Éphésiens 4, travaillent à perfectionner les saints pour qu'ils puissent parvenir, par l'action du Saint-Esprit et de la parole, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc ces serviteurs de Dieu sont sur la tête de l'Église parce qu'ils exercent leur ministère sur l'Église, mais c'est l'Église qui enfante le fils mâle, l'enfant mâle. Alors, comme il s'agit d'événements, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui sont dans la fin des temps, quand dans le chapitre 4, il est dit à Jean, « Je vais te montrer ce qui va se passer dans la suite des temps. » Et il est enlevé pour voir les événements de la fin. Au moment où Jean avait cette vision, Jésus était déjà monté au ciel. C'est déjà après l'enlèvement de Jésus. Et quand il lui montre ces événements de la fin, quand il lui montre cet enfant mâle qui est enlevé au ciel dès sa naissance, il ne peut pas s'agir de Jésus. Ce n'est pas possible, parce qu'il lui montre des événements de la fin, et Jésus est déjà monté au ciel à cette époque-là même où Jean avait la vision. Donc il ne peut pas s'agir de Jésus. Qu'est-ce que l'Église enfante dans les temps de la fin? Elle va enfanter un enfant mâle qui va être, je lis, au verset 5, un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et au début du livre de l'Apocalypse, il est écrit, Apocalypse 2, 26, « À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations, il les pètera avec une verge de fer. » Et cette expression est aussi appliquée à Jésus. Jésus pètera les nations avec une verge de fer. Donc il ne peut s'agir là que des vainqueurs qui vont garder les œuvres de Jésus jusqu'à la fin, qui seront déclarés vainqueurs par Jésus, qui s'assieront avec lui sur son trône et qui pèteront avec lui les nations avec une verge de fer, avec l'autorité des vainqueurs. Et ces vainqueurs ne sont pas toute l'Église. Les vainqueurs, c'est l'épouse qui va être enlevée, comme il est dit, au verset 5, fin du verset 5, son enfant fut enlevé vers Dieu, vers son trône. Donc finalement, c'est l'Église qui aurait dû être toute enlevée, mais comme dans l'Église de Jésus, il y en a qui seront vainqueurs et il y en a qui ne seront pas vainqueurs, seul l'enfant mâle va être enlevé immédiatement après sa formation. Vous voyez l'importance qu'il y a à être fidèle et à être vainqueur, parce qu'on ne participera pas à l'enlèvement si on n'est pas vainqueur. Vainqueur, ça veut dire consacré, fidèle, obéissant jusqu'au bout. Et on le voit dans la suite de ce chapitre, au verset 6, « La femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours, 3 ans et demi. » Et à la fin du chapitre, il est écrit au verset 17, « Le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. » C'est après l'enlèvement du fils mâle. Alors, si le fils mâle représente la partie de l'Église, l'épouse qui est enlevée, qui sont ceux qui restent et qui ont le témoignage de Jésus-Christ? Ça ne peut pas être des Juifs. Ça ne peut pas être des inconvertis. Ça ne peut être que cette partie de l'Église qui n'était pas prête au moment du retour de Jésus, qui n'a pas été enlevée, qui n'a pas fait partie des vainqueurs, et qui va rester pour le début de la grande tribulation, c'est-à-dire pendant 3 ans et demi, qui va rester sur la terre, et parmi ceux qui ne vont pas être enlevés, donc les chrétiens qui n'auront pas été prêts pour l'enlèvement, il va y avoir deux catégories, ceux qui vont garder le témoignage de Jésus, qui vont se réveiller après l'enlèvement, en réalisant que les vainqueurs sont partis et que eux qui n'étaient pas prêts restent. Mais que dans la grâce de Dieu, Dieu leur donne encore une porte de secours. Ce n'est pas une excuse pour dire « bon, moi je vais me contenter du peu et je vais rester sur la terre après, je n'ai pas besoin d'être un vainqueur ». Dieu veut qu'on soit tous vainqueurs. Et il voudrait que tous fassent partie de ceux qui vont être enlevés. Le plan de Dieu, c'est absolument pas qu'on reste, un seul reste. Mais parce que Dieu sait qu'il y en a qui sont négligents, qui ne vont pas se préparer, ils vont rater le plan d'enlèvement, ils vont rester sur la terre. Mais ils vont se réveiller à ce moment-là, et il y en a deux catégories qui vont se séparer à ce moment-là dans l'Église qui va rester. C'est ceux qui vont rester fidèles à ce moment-là après être réveillés jusqu'au bout au témoignage de Jésus. Et ceux-là seront tous mis à mort par l'Antéchrist. On va le voir juste après. Et ceux qui vont rejoindre la prostituée parce qu'ils vont accepter la marque de la bête. Ils vont être de ceux qui se retirent pour se perdre devant la dureté de la persécution qui va être quelque chose d'inimaginable puisque Jésus dit lui-même que ça va être écourté à cause des élus, sinon personne ne serait sauvé. Ça veut dire que ça va être tellement fort, il va y avoir une telle puissance de séduction, une telle puissance de péché, une telle puissance sur le monde d'incrédulité qui va se déverser, que l'amour du plus grand nombre va se refroidir, que certains se trahiront les uns les autres, certains vendront même leurs pères, leurs enfants, leurs parents. Ça va devenir tellement dur et la persécution sera tellement épouvantable qu'il y en a beaucoup qui vont lâcher et qui vont accepter de rejoindre l'Antichrist et la marque de la bête. Mais il y en a un grand nombre qui vont être fidèles jusqu'au bout. Et ceux-là seront torturés, martyrs et tous mis à mort. Tous. Mais ils auront leur salut comme au travers du feu, ceux-là. Alors devant cette femme, le dragon se tient, au verset 4, pour dévorer son enfant. Le dragon, le diable, ne veut pas que l'épouse soit enlevée. Ce qui l'intéresse dans ce premier temps, c'est de dévorer le fils mâle. Il va ensuite dévorer les restes de sa postérité, il va tous les tuer ou les gagner à lui. Mais dans un premier temps, il veut dévorer cette race de vainqueurs qui est en train de naître à la fin des temps, là, et qui naît à la fin des temps. Il veut la dévorer, mais il ne la détruira pas parce qu'elle est enlevée. Jésus la soustrait à la vengeance de Satan. De même que Jésus a été soustrait à la vengeance d'Hérode, et il a fait fuir l'enfant Jésus vers un lieu de refuge, là, le Seigneur enlève son épouse juste au moment où Satan veut la détruire. Et Satan ne peut rien faire pour la toucher. Son enfant fut enlevé vers Dieu, vers son trône. Le trône, c'est la place de l'épouse avec Jésus, de la véritable Église qui s'est préparée. Et la femme, c'est-à-dire le reste de l'Église, puisqu'on a vu tout à l'heure que la femme, c'était l'Église, c'était donc le reste après l'enlèvement, s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu pour qu'elle y soit nourrie pendant 3 ans et demi. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel, et il fut précipité sur la terre avec ses anges. Donc, c'est normal, dans la perspective de Dieu, que Satan ne soit précipité sur la terre qu'après l'enlèvement de l'épouse. Parce que la grande tribulation ne va commencer qu'après l'enlèvement de l'épouse. Elle va durer 7 ans. Et elle est divisée en 2 parties bien précises. La première partie de 3 ans et demi, qui est la tribulation de l'Église, et la deuxième partie de 3 ans et demi, qui est la tribulation de Jacob et d'Israël. Et ce n'est pas du tout la même tribulation. Mais c'est l'Antichrist qui mène les deux, et Satan qui mène les deux. La première partie de la tribulation, c'est la tribulation de l'Église, où la femme s'enfuit dans le désert, elle est pourchassée par Satan et l'Antichrist, et il la poursuit. Et il y a une guerre dans le ciel, mais on le voit un peu plus loin, au verset 10. Maintenant, le salut est arrivé, la puissance, le règne et l'autorité de son Christ. Il a été précipité, l'accusateur. Et au verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Qui sont ceux qui l'ont vaincu? Ce sont les vainqueurs, justement. C'est l'épouse qui a été enlevée. Il y a eu une guerre dans le ciel. Michel, Satan et ses anges combattirent, etc. Mais qui l'a vaincu? Ce sont les vainqueurs à cause du sang de l'agneau. C'est l'Église fidèle, dès maintenant, qui est vainqueur de Satan. On ne peut vaincre vraiment Satan que si on est fidèle et consacré à Jésus. On ne peut pas sinon autrement. Et cette race de vainqueurs qui va paître les nations avec une verge de fer, dès maintenant, c'est l'épouse qui peut vaincre Satan dans les lieux célestes par sa fidélité à la parole et par le sang de l'agneau. C'est eux qui l'ont vaincu. C'est pas l'Église tiède qui va rester qui a vaincu Satan. C'est pas possible. L'Église tiède, elle est pourchassée par Satan. Au verset 13, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit, il pourchasse, il persécute, c'est le même mot en grec, il poursuit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, les restes de la postérité, pauvre Église tiède qui va rester. Mais les deux ailes du grand aigle furent données à la femme. Il y a un secours surnaturel de Dieu qui lui est donné pendant 3 ans et demi, afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, 3 ans et demi, loin de la face du serpent. Elle est quand même pourchassée et persécutée. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme. L'eau comme un fleuve, c'est le symbole de toute la puissance de l'enfer, des démons et des hommes possédés de toutes sortes de démons, tous ceux qui vont rester sur la terre, qui n'appartiendront pas au Seigneur, qui pourchassent la femme dans le désert. Le monde entier sera un désert à cette époque-là. Le Saint-Esprit sera parti avec l'Église. Les chrétiens fidèles seront partis. La parole de Dieu ne sera plus prêchée comme elle est maintenant. Ça sera un désert spirituel, mais dans ce désert, Dieu va prendre encore soin du reste là, des élus. Ils ne vont pas partir, mais qui vont être préservés pendant 3 ans et demi. Et le serpent lance de l'eau, c'est-à-dire tous ces démons et tous ces suppôts, tous les satanistes, ça va être horrible, pour qu'elle soit dévorée. Mais la terre secourut la femme et ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon. La terre, qu'est-ce que ça peut être la terre? La terre, ce sont les inconvertis qui pendant quelque temps vont aider la femme dans le désert. Il n'y aura pas que des suppôts de Satan sur la terre, il y aura beaucoup d'inconvertis qui eux vont être aussi séduits sous la puissance de séduction de Satan, et la plus grande partie vont rejoindre les rangs de Satan. Mais je crois qu'il va rester sur la terre un certain nombre de gens qu'on dit honnêtes. C'est pas leur honnêteté qui va les sauver, hein. Mais il va rester un certain nombre de gens honnêtes. Et la terre, c'est un certain nombre d'inconvertis qui vont, pendant quelque temps, aider l'Église et lui permettre d'être protégé. Le dragon fut irrité contre la femme. Il alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent le témoignage de Dieu et de Jésus. Au chapitre 13, il voit monter une bête qui a 10 cornes et 7 têtes. Alors, on le sait ce que c'est. C'est l'Antichrist qui s'appuie sur 10 cornes qui sont 10 rois. Ce sont 10 puissances du marché commun. Puisqu'après le traité de Maastricht, on sait qu'il n'y en a que vraiment 10 qui sont en plein dans le traité et 2 qui sont un peu en marge, l'Angleterre et le Danemark. Bien qu'on soit 12, en fait, on est un noyau dur de 10 actuellement. Et 2 qui sont un peu en marge. Mais de toute manière, que ce soit comme ça ou d'une autre manière, il y aura dans l'intérieur du marché commun 10 puissances sur lesquelles l'Antichrist va s'appuyer, d'où l'Antichrist sortira, et qui représentent les 10 cornes de la bête. Cette bête, sa description est donnée en détail, mais je ne vais pas m'attarder sur la description. Simplement, sachons que cette bête, c'est l'Antichrist, et qu'elle reçoit le pouvoir d'agir pendant 42 mois. C'est-à-dire encore 3 ans et demi. Là, j'aimerais lire le passage dans 2 Thessaloniciens 2:4, parce qu'il parle de ce passage, 2 Thessaloniciens 2:3, où Paul dit que personne ne vous séduise d'aucune manière en ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus. Alors, l'avènement, c'est un terme assez général qui comprend la période entre l'enlèvement et la venue en gloire du Seigneur sur la terre pour régner, où là, vraiment, ça va être son avènement, c'est-à-dire son intronisation réelle comme roi de la terre. Mais dans cette période de la fin des temps, nous savons que Jésus revient dans un premier temps pour chercher son épouse, et ensuite lui faire passer dans le ciel les 7 ans de la grande tribulation, pour redescendre avec elle ensuite pour régner sur la terre. Et il dit au verset 3 que personne ne vous séduise, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, la constitution de l'Église apostate, la prostituée, et que l'on ait vu paraître l'homme de péché. Il faut que l'Antichrist paraisse avant l'avènement de Jésus-Christ. Le fils de la perdition, c'est lui l'Antichrist, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui s'appelle Dieu, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamer lui-même Dieu. Il faudra que cet Antichrist viennent s'asseoir à la fois dans le temple spirituel de Dieu pour le profaner, introduire l'abomination ou essayer de l'introduire dans l'Église ou ce qui va en rester, et d'introduire l'abomination dans le temple de Jérusalem qui va être reconstruit grâce à l'alliance qu'il va conclure avec les Juifs pendant 3 ans et demi. Et il dit, « Ne savez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais avec vous, mais maintenant vous savez ce qui le retient ?» Ce qui retient, c'est-à-dire la pleine manifestation de l'Antichrist, ce qui le retient, c'est l'Église et la présence du Saint-Esprit sur la terre, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, le Saint-Esprit et l'Église, l'épouse, qui retiennent encore la manifestation de l'Antichrist, sont encore sur la terre. Et l'Antichrist ne se manifestera pas pleinement en tant que chef et roi, faux roi de la terre, avant que l'Église soit enlevée et que le Saint-Esprit ait disparu de la terre. Alors paraîtra l'impie. Pour ma part, je suis persuadé que l'impie est déjà sur la terre et il est déjà en place. Mais il ne paraîtra pas pleinement comme l'Antichrist en tant que tel. Il ne sera pas reconnu par la terre entière comme le roi ou le président de la terre, ou le chef politique et religieux de la terre, avant que l'enlèvement de l'Église ait eu lieu. Et à ce moment-là, paraîtra l'impie, parce que rien ne le retiendra. L'Église sera partie, le Saint-Esprit aussi. Il va se manifester dans toute sa puissance. Alors, merci Seigneur. Tant que nous sommes là, nous pouvons être certains que l'Antichrist ne se manifestera pas pleinement comme roi de la terre et que nous ne serons pas soumis à la pleine grande tribulation. Alors, je reprends au chapitre 13, la bête. Au chapitre 13 et au verset 7, il est écrit « Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. » Alors, il ne s'agit pas là des vainqueurs, ce n'est pas possible, puisqu'il lui fut donné à la bête de vaincre les saints. Les véritables saints qui viennent d'être enlevés n'ont pas pu être vaincus par Satan, puisqu'il est dit « Et ils l'ont vaincu !» Ça ne peut pas être l'épouse qui est enlevée. Quand on lit ça, moi je dis « Mais Seigneur, mais ta parole, elle est claire et nette. Comment est-ce qu'on ne peut pas voir ça aussi clairement ?» C'est écrit « Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. » Donc il ne peut s'agir que de ces saints qui sont restés après l'enlèvement des vainqueurs. Eux n'ont pas pu être vaincus par Satan. Mais les autres qui vont rester, ils vont être vaincus par Satan, mais vaincus au sens physique de la grande persécution et de la mort en martyr. Satan ne va pas leur prendre le salut. Une partie du moins, puisqu'il y en a qui vont être fidèles et d'autres pas. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Un peu plus loin, nous verrons que tous ceux qui n'adoreront pas l'Antichrist seront tués, mis à mort. Ceux qui ne l'adoreront pas, ce seront les saints qui vont refuser de s'incliner devant l'Antichrist. Ils seront tous mis à mort. Il ne peut pas s'agir donc de l'épouse qui va être enlevée. Puisque l'apôtre Paul dit, nous tous qui serons restés vivants pour l'enlèvement, nous partirons, nous serons changés en un clin d'œil et nous partirons. Il ne peut pas s'agir de l'épouse qui est enlevée, puisque ceux qui vont rester fidèles, seront tous mis à mort. Donc, ce ne peut être que les chrétiens qui n'étaient pas prêts, qui vont rester, qui seront vaincus et qui seront mis à mort. Mais leur nom est quand même inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Vous voyez qu'ils ne vont pas perdre leur salut. La Bible dit clairement, ils ne vont pas perdre leur salut. Ils auront perdu la plus grande opportunité de leur existence, celle de faire partie de l'épouse de Jésus. C'est fini pour eux. Tout ce qui leur reste comme possibilité, c'est de faire partir des amis de l'époux aux noces de l'agneau. Un peu plus loin, nous verrons, à la fin du verset 10, c'est ici la persévérance et la foi des saints. Ceux qui vont garder la persévérance et la foi jusqu'au bout seront sauvés. Ceux qui persévéreront jusqu'au bout seront sauvés. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoreraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. La première bête, c'est l'Antichrist. La deuxième bête qui se fait passer pour un agneau, c'est le faux prophète. Le faux prophète va travailler avec l'Antichrist pour faire que la terre entière soit séduite par les prodiges qu'il fait, les miracles, etc., par la puissance de Satan, pour qu'elle s'incline devant l'Antichrist. Et il est dit, au verset 13, « Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre le feu du ciel à la vue des hommes, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de l'Antichrist, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête pour que l'image de la bête parle, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. » Les voilà. Les chrétiens qui restent et qui n'adoreront pas l'image de la bête, parce qu'ils ont compris, mais trop tard, et ils seront tués. Alors il y a des interprétations intéressantes sur ce passage. C'est l'image de la bête qui s'anime et qui fait que tous ceux qui n'adoreront pas cette image seront tués. Alors voilà comment on peut le voir. Pour moi, c'est la télévision. l'image de la bête qui s'anime. Et vous savez comment l'Antichrist va utiliser la télévision dans ces derniers temps? La télévision, actuellement, c'est le moyen unique pour que tous les hommes du monde entier puissent voir une émission en même temps. Vous avez des événements comme les Jeux Olympiques où vous avez 4 milliards d'hommes qui la voient en même temps. Quand l'Antichrist viendra, il fera en sorte que tous les hommes aient la télé. Ça sera un moyen de contrôle parfait pour lui. Et il va faire qu'à certains moments, dans les lieux publics, partout, dans les maisons, de même que la statue de Nabucodonosor était dressée et qu'à un certain moment précis, au son des instruments de la musique, tout le monde devait se prosterner. Il va faire en sorte que l'image de l'Antichrist apparaisse. Il va faire une émission en direct, quoi, dans la terre entière. Et à ce moment-là, il donnera l'ordre, et ça sera surveillé par ses troupes, que tous ceux qui voient son image à la télé devront se prosterner et l'adorer. Dans les lieux publics, partout. Et ça se fera à de nombreux moments de la journée et du mois, à chaque instant. Pour Nebuchadnezzar et sa statue, c'était à certains moments bien précis. Tout le monde était rassemblé, on devait s'incliner. Et tous ceux qui n'étaient pas prosternés devant la statue de Nebuchadnezzar, qu'est-ce qui leur arrivait? Ils étaient jetés dans le four. Il en sera de même avec l'Antichrist, ça sera un des moyens de persécution. Vous aurez des lieux publics où il y aura des télés partout, des lieux publics dans les supermarchés, hypermarchés, cinémas et tout. À un moment donné, toc, tout s'arrête, l'image de l'Antichrist apparaît, la musique et tout, le flanflon, et les sbires de l'Antichrist sont là, ils regardent tout le monde, et tout le monde devra, où qu'ils soient les gens, hypermarchés, supermarchés, dans les écoles, allez, tout le monde prosterné. Et ceux qui ne le feront pas seront repérés et arrêtés immédiatement. Ça sera vite fait de repérer ceux qui ne se prosterneront pas. Ça sera très vite fait. Ceux qui se prosternent, on va leur dire, d'accord, tu te prosternes dans où tu veux mettre la marque. Sur la main ou sur le front? D'ailleurs, il est dit, tout loin, et que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête furent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, reçoivent une marque sur la main. Ils vont être repérés dans un hypermarché. Au moment venu, tout le monde se prosterne, sauf 3 ou 4 qui seront restés fidèles. Eh bien, les 3 ou 4 seront arrêtés et on va leur dire, si tu te prosternes pas, autant voulu, tu es mis à mort ou tu es torturé. Et les autres, ils se sont prosternés. Eh bien, venez, où est-ce que vous voulez avoir la marque? Sur le front ou sur la main? Et ils vont choisir, mais ils sont perdus. Car tous ceux qui ont reçu la marque sont perdus. Et je vous garantis, frères et sœurs, qu'il suffirait de quelques jours à ce rythme-là, à coup de 15 émissions de télé comme ça par jour, en mettant des télés partout, ça sera vite fait pour repérer tous ceux qui ne se prosternent pas. En quelques jours, c'est fait. Dans les maisons, ça sera pareil. Dans les maisons, la famille devra s'incliner. Et celui qui appartient à l'Antichrist et qui voit l'un d'entre eux, Jésus le dit, certains vendront leurs parents ou leurs enfants. Vous voyez à quel point la télé va être un instrument diabolique entre les mains de l'Antichrist. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête. Jean ne savait pas que 2000 ans après la télé viendrait. Il ne peut pas imaginer ce que ça serait. Mais il a vu comment l'Antichrist va utiliser cette arme pour dominer le monde et faire le tri entre ceux qui vont rester et les autres. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, c'est un nombre d'hommes, 666. Nous savons que c'est le nom de l'Antichrist traduit en grec, en chiffres, puisque en grec, il compte avec les lettres de l'alphabet. Et quand l'Antichrist viendra, le prénom de l'Antichrist traduit en grec et les lettres traduites en chiffres vont donner 666. Mais c'est aussi un symbole de la papauté, puisque en latin, le nom officiel du pape en latin, traduit en chiffres romains, c'est 666. Le numéro de code de l'unité centrale, c'est-à-dire de l'ordinateur central, du réseau européen de télécommunications qui s'appelle Euronet, donc l'Antichrist viendra bien de l'Europe, c'est 666. Le numéro de code de l'unité centrale de l'ordinateur du réseau Euronet, 666. Parce qu'il va utiliser aussi l'ordinateur pour ficher tout le monde. Ça sera vite fait. Et on sait que les codes barres comporte tous le numéro 666 en chiffres codés. Un 6 au début, un 6 au milieu, un 6 à la fin. Tout le système économique mondial est déjà prêt pour être contrôlé par l'Antichrist. Le code barre est déjà codé 666. Tous les codes barres du monde ont en chiffres codés un 6 au début, un 6 au milieu et un 6 à la fin. Ce sont les deux petits traits qui dépassent au début, au milieu et à la fin, ce sont 3-6. Au début de chaque série de chiffres, il y a deux petits traits verticaux qui dépassent les autres. C'est le chiffre 6, mais ils n'ont pas mis le 6 en dessous, c'est caché. Il y a deux séries de 6 chiffres, séparées par deux traits au début, deux traits au milieu, deux traits à la fin. Eh bien, ces deux petits traits du début, c'est un 6 en code barre. Le deux traits du milieu, c'est un 6. Et les deux traits de la fin, c'est un 6. Et entre les deux, il y a deux séries de 6 chiffres. Et si tu regardes dans ces chiffres, il peut y avoir un 6 en clair. Au-dessus de ce chiffre, tu as le code barre correspondant, tu verras deux petits traits fins. Les mêmes qu'au début, au milieu, à la fin. Donc ça veut dire qu'il y a au niveau mondial des satanistes qui ont déjà tout planifié pour contrôler l'économie mondiale avec le 666. Ceux qui iront au supermarché auront un scanner, on leur mettra le scanner sur le front et leur compte bancaire sera débité. Au laser, c'est-à-dire au supermarché, ils ont des lecteurs laser, des petits scanners laser. Ils passent les codes barres devant, mais actuellement la technique existe pour qu'on imprime magnétiquement les codes barres sur la peau. Ça existe, on le fait pour les animaux déjà. On imprime ça magnétiquement, c'est invisible, mais quand on passe ça devant le scanner à laser, ça le lit. Je relis le verset 17, que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête, le nom de la bête ou le nombre de son nom, c'est-à-dire 666, et les codes-barres ont déjà 666 dessus. C'est la préparation. Ça nous montre à quel point c'est prêt. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vais reprendre très brièvement, en 5 minutes, ce qu'on a vu la dernière fois. Nous avons commencé à parler de la chronologie de la fin des temps. La dernière fois, nous avions vu que l'Apocalypse était le livre de la fin des temps pour nous, Église, qui bientôt va être enlevée sur les nuées du ciel, si nous sommes prêts. Et que dans ce livre de l'Apocalypse, il y a une introduction qui est le message de Jésus aux Églises, chapitres 1, 2 et 3. Et ensuite, à partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 11 inclus, c'est la vision des événements de la fin donnée à Jean, mais du point de vue des Juifs. Avec les 144 000 Juifs, de 12 000 de chaque tribu, la tribulation vue du point de vue des Juifs. Et du chapitre 12 au chapitre 19, ce sont les événements de la fin vus du côté de l'Église. Et ensuite, tout à la fin, chapitre 20, c'est le millénium, et 21 et 22, c'est le nouveau ciel, la nouvelle terre et l'éternité. Alors, nous avions vu la dernière fois les chapitres 12 et 13. Et pour résumer rapidement, nous avions vu que la femme que Jean voit était l'Église de Jésus-Christ sur la terre. Que cette femme était en train d'enfanter un fils mâle, qui est enlevé au ciel dès sa naissance. Et ce fils mâle qui doit paître les nations avec une verge de fer, c'est l'épouse de Jésus, c'est-à-dire cette partie de l'Église qui va être enlevée parce qu'elle s'est sanctifiée, qu'elle est prête. Au début du livre de l'Apocalypse, il est dit que le vainqueur paîtra avec Jésus les nations avec une verge de fer. C'est une expression qui s'applique aussi à Jésus. Et que la femme et le reste de sa postérité qui garde le témoignage de Jésus sont pourchassés à ce moment-là par le dragon, Satan, et par la bête, l'Antichrist, qui prennent le pouvoir au moment où l'épouse part, le Saint-Esprit s'en va avec l'épouse, et il reste sur la terre le reste de la postérité de la femme, c'est-à-dire les chrétiens qui n'étaient pas prêts pour l'enlèvement, mais qui pour cela ne vont pas perdre leur salut, si il reste fidèle à Jésus. Et là encore, il y a un tri qui va se faire à cause de la dureté terrible de la persécution qui va s'abattre sur eux et de la séduction qui va venir sur la terre entière. Il y a ceux qui vont rester fidèles et qui mourront tous martyrs parce qu'ils vont refuser d'adorer l'image de la bête et ils vont refuser de porter le chiffre de la bête sur le front ou sur la main droite. Et il est dit qu'ils vont tous être mis à mort. Et que l'autre partie rejoindra la grande église apostate prostituée pour se perdre avec l'Antichrist. Alors nous avions vu aussi que cette bête, l'Antichrist, qui a 10 cornes et 7 têtes, va s'appuyer sur 10 puissances européennes et qu'elle va pouvoir régner pendant cette période de 7 ans que Daniel, dans son livre, appelle la dernière semaine, enfin la période de la grande tribulation, qui est divisé en deux parties bien distinctes. Une première partie de 3 ans et demi qui est la tribulation des chrétiens qui restent, où ils vont être pourchassés, gardés pendant 3 ans et demi et finalement tous martyrisés et mis à mort. Pendant cette période, l'Antichrist fera une alliance avec Israël, leur permettra de reconstruire le temple et de rétablir le culte. À la fin du massacre des chrétiens, à la fin de cette première période de 3 ans et demi, commencera ce que la Bible appelle la tribulation de Jacob, c'est-à-dire la persécution des Juifs, où ils vont à nouveau être pourchassés, mais d'une manière pire que sous Hitler, puisque la quasi-totalité va être mise à mort. Une partie d'entre eux restent vivants, notamment les 144 000 juifs qui sont marqués du sceau de Dieu sur leur front pour échapper à la persécution et qui seront les témoins de Dieu sur cette terre une fois que l'épouse est partie et une fois que tous les autres chrétiens ont été mis à mort. Ils recevront le message des deux prophètes qui sont Hénoc et Élie revenus sur la terre pour prêcher à la terre entière et aux juifs la bonne nouvelle, l'évangile de grâce du Seigneur. Et cette fin de la grande tribulation, ces 3 ans et demi de persécution de Jacob, vont se terminer par la grande bataille d'Armageddon où les nations entières se rassembleront pour faire la guerre à Jérusalem. Et à ce moment-là, Jésus-Christ reviendra avec l'épouse pour mettre fin à ce massacre et établir sur la terre son royaume de justice et de paix. Alors au début du chapitre 14, Jean regarde et il voit sur la montagne de Sion 144 000 personnes qui avaient sur le front le nom de l'agneau et le nom de son père écrit. Ces 144 000 ne sont pas les 144 000 juifs du début du livre de l'Apocalypse. Ils sont complètement différents. Au début du livre de l'Apocalypse, il est parlé de 144 000, 12 000 de chaque tribu. Ici, ce sont 144 000 qui sont sur la montagne de Sion avec l'agneau. L'agneau n'est pas encore revenu sur la terre pour régner, il est donc au ciel encore. Il est venu chercher l'épouse et il attend de revenir. Donc, ces 144 000, c'est une partie de l'épouse qui se sont particulièrement sanctifiées et qui accompagnent l'agneau, l'époux, partout où il va. Ils sont au ciel, c'est la montagne de Sion céleste, c'est pas la montagne de Sion puisqu'il n'a pas encore posé les pieds sur la montagne de Sion, le Seigneur. Et j'entendis du ciel une voix comme la bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendais était celle de joueurs de harpe jouant sur leur harpe, et ils chantent un cantique nouveau devant le trône. Et personne ne pouvait apprendre ce cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ils font partie de l'épouse qui a été enlevée et ils sont une catégorie particulière de l'épouse. On va voir leurs caractéristiques ici au chapitre 14 et au verset 4. Ils ont été rachetés de la terre, ils sont montés avec l'épouse et ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes car ils sont vierges. On peut l'interpréter de manière spirituelle mais je crois que c'est tout à fait littéral, les deux sont vrais. Jésus parle de ceux qui se sont fait eunuques pour le royaume de Dieu, qui volontairement ont renoncé au contact sexuel légitime que Dieu permet, notamment dans le cadre du mariage, et qui se sont fait, comme Jésus dit, eunuques pour le royaume de Dieu. Et Paul dit au chapitre 7 de la première aux Corinthiens qu'il voudrait bien que tous soient comme lui, c'est-à-dire qu'ils aient le don du célibat pour servir Dieu sans distraction, non pas que le mariage soit déprécié aux yeux du Seigneur, puisque la relation même de Jésus et de son Église, c'est une relation d'époux et d'épouse. Hein. C'est la relation la plus profonde quand elle est vécue comme Dieu le veut et le souhaite. Mais ceux-là s'étaient rendus eunuques sur la terre pour servir le Seigneur de tout leur cœur sans distraction. Ils chantent un cantique nouveau sur une harpe. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles devant le trône de Dieu. La Bible dit que tous les hommes sont pécheurs. Eux aussi ont été des pécheurs rachetés par le sang de Jésus. Mais ils se sont tellement attachés à se sanctifier, à se mettre à part et à servir l'agneau, qu'ils ont mis de côté tout autre objectif dans leur vie. Servir l'agneau, servir Dieu, ne penser qu'à une chose, c'est faire avancer le royaume de Dieu et le service du Seigneur. et par la sanctification, ils se sont pleinement appropriés par la foi l'œuvre de Jésus, et ils ont travaillé avec crainte et tremblement à leur salut pour pouvoir faire partie de ceux qui seront le plus près de l'agneau pour le servir dans l'éternité. Et ils chantent un cantique que eux seuls peuvent chanter. C'est le cantique non seulement des rachetés, mais un cantique nouveau qui sort de leur cœur entièrement consacré, sur des harpes. La caractéristique d'une harpe, c'est qu'il y a plusieurs cordes et il faut que toutes soient soigneusement accordées, un peu comme le piano, pour pouvoir jouer de manière agréable. Si vous jouez sur un piano désaccordé ou sur une harpe désaccordée, ça ne marche pas. Tout instrument accorde d'ailleurs, hein. Mais là, ils ont accordé leur instrument dans l'harmonie, toutes leurs cordes sont parfaitement dans l'harmonie et ils chantent un cantique nouveau à la gloire de l'agneau. Ça veut dire que leur être entier, esprit, âme et corps, avec toutes ses caractéristiques, le corps dans toutes ses parties, l'âme dans toutes ses parties, les sentiments, les pensées, la volonté, l'esprit dans toutes ses parties, tout a été parfaitement sanctifié, accordé avec la volonté divine. Et ils en ont fait vraiment le but de leur vie pour pouvoir faire partie de ceux qui sont dignes d'accompagner l'agneau partout. C'est merveilleux, hein? Et comme je sais que Dieu ne fait pas exception de personne, cette possibilité est ouverte à tous ceux qui le désirent. Mais le Seigneur sait que seuls 144 000 vont répondre à son appel. Il les a prédestinés à cela. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, au chapitre 6, ayant l'évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu. Vous voyez encore la grâce de Dieu dans ces temps de la fin, de toute la fin, où, puisque l'Église est partie, et puisque tous ceux qui étaient envoyés par Dieu, remplis du Saint-Esprit pour annoncer son évangile, sont partis, le Seigneur envoie encore un ange pour annoncer à toute nation et à toute tribu l'évangile éternel en disant « Craignez Dieu, donnez-lui gloire et repentez-vous. » Adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer. Et un autre, un second ange, suivit en disant, elle est tombée Babylone la Grande. Qui est cette Babylone la Grande? La grande église apostate qui a son siège à Rome, mais qui n'aura pas que l'église catholique en son sein. Un autre ange, un troisième, les suivit en disant d'une voix forte, alors écoutez, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est très sérieux comme avertissement. Et voilà le sort qui attend. Ceux qui, restant sur la terre, vont céder soit à la séduction, soit aux menaces de l'Antichrist pour porter cette marque et pour adorer la bête. Leur fin, c'est la perdition éternelle. Il n'y a plus aucune possibilité de repentance pour eux. D'où le martyre des chrétiens qui vont refuser et qui vont être mis à mort aussitôt. C'est ici, verset 12, la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ces chrétiens qui vont rester, qui eux vont persévérer jusqu'au bout dans la foi et dans la confiance en Jésus, eux, ils vont passer par la mort. Mais il est dit tout de suite après, j'entendis du ciel une voix qui disait, « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Vous voyez comme c'est clair que ce sont ceux qui meurent dans le Seigneur à ce moment-là qui vont garder les commandements et la foi de Jésus jusqu'à la fin. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Ils n'étaient pas prêts pour l'enlèvement, mais Dieu leur donne encore une grâce supplémentaire pour pouvoir échapper à la perdition au travers du feu du martyr et de la persécution. Ce n'est pas drôle pour eux, mais c'est encore une porte ouverte pour passer dans l'éternité du bon côté. Mais au travers de quelle souffrance ? Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Et notamment les dernières œuvres, qui étaient meilleures que les premières. Eux, ils ne seront pas sous la grâce pure. Ceux qui sont sous la grâce pure sont enlevés avant la grande tribulation. Eux, ils sont sous la loi et sous la grâce. Je regardais, et voici, verset 14, il y avait une nuée blanche et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Vous voyez qui ça peut être, hein, le Seigneur. Le maître de la moisson. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, et la moisson de la terre est mûre. » Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et elle fut moissonnée. Cette moisson, c'est la récolte des chrétiens qui sont restés pour le martyr. Ils sont tranchés par la faucille du martyr et ils meurent dans le Seigneur. Puisque là, dans ce passage, vous avez deux récoltes, la moisson et la vendange de la colère de Dieu. Ce sont deux choses très différentes. La première partie, versets 14 à 16, c'est la moisson de ceux qui meurent dans le Seigneur mais qui sont fauchés par la moisson des derniers temps. L'heure de moissonner est venue. L'autre partie, au verset 17, un autre ange sortit du temple, ayant lui aussi une faucille tranchante, et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel, s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, et disant, « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et il jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Là, ce ne sont pas les chrétiens martyrs. La cuve de la colère de Dieu, c'est le jugement qui tombe sur tous ceux qui ont accepté la marque de la bête et qui vont périr sous la colère et le jugement de Dieu. Vous voyez, les deux choses sont très différentes. Les chrétiens moissonnés vont être sauvés. Dieu va engranger la moisson. Il va séparer la balle du blé. Il va engranger la moisson. Mais la cuve de la colère de Dieu va être remplie de la vigne qui est vendangée à ce moment-là et qui sont ceux qui ont pris la marque de la bête. Et la cuve fut foulée hors de la ville et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. C'est un carnage épouvantable. Le temps de la grâce est fini là maintenant, c'est terminé. La porte de la grâce est fermée. La moisson dont il est parlé ici, on peut le rapprocher dans l'évangile de Matthieu. C'est intéressant de le lire parce que Jésus en parle dans l'évangile de Matthieu. Matthieu 24. Et ce sont des passages qui ne peuvent être compris que dans cette perspective d'Apocalypse 14. Puisque Matthieu 24 ne s'applique pas à l'enlèvement de l'Église, mais il s'applique à la moisson de la fin des temps. Regardez dans Matthieu 24, au verset 3, où les disciples posent à Jésus cette question. Quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Ils demandent le signe de l'avènement du Seigneur. Et l'avènement du Seigneur, ce n'est pas seulement le retour du Seigneur pour enlever l'épouse. C'est le retour du Seigneur qui pose ses pieds sur la terre pour devenir le roi de la terre. Un avènement, c'est un début d'un règne. Et l'avènement vraiment du Seigneur Jésus comme roi de la terre, c'est après, à la fin de la grande tribulation, quand il revient régner sur la terre. Alors Jésus leur donne toute une série de signes qui ont commencé à ce moment-là et qui continuent maintenant à se passer. Il dit, on vous livrera au tourment, on vous fera mourir. Il y a eu des martyrs depuis le début, mais il y en aura beaucoup à la fin, après l'enlèvement. Et il est dit au verset 15, quand vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Il parle d'un moment très précis qui est à la fois spirituel et physique. C'est que pendant cette période de 3 ans et demi où les chrétiens qui restent vont être persécutés par l'Antichrist, l'Antichrist va faire une alliance avec Israël. Israël va être séduit, il va faire une alliance, il va permettre la reconstruction du temple, il va permettre que le culte des Juifs soit rétabli à Jérusalem. Et il va être très bien vu par les Juifs. qui ne vont pas se douter de ce qui va leur arriver. La première moitié de cette période de 7 ans, c'est la tribulation des chrétiens. La deuxième moitié, c'est la tribulation des juifs. Parce que la tribulation de Jacob commence après la fin des 3 ans et demi, lorsqu'il n'y a plus un seul chrétien sur la terre. À ce moment-là, Satan tourne sa rage contre le reste du peuple de Dieu, c'est-à-dire les juifs, Israël. Et là commence la grande tribulation d'Israël. Et là, Jésus dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation dans le temple, c'est-à-dire que l'Antichrist viendra à ce moment-là, après les 3 ans et demi, il rentrera dans le temple et il voudra se faire adorer comme Dieu, par les juifs. Et beaucoup, beaucoup de juifs vont comprendre à ce moment-là et refuser. Ils n'accepteront pas ça. Ils vont comprendre. À ce moment-là, il y en a beaucoup qui vont fuir, qui vont partir. Alors que ceux qui seront en Judée, verset 16, fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur les toits ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, etc. Et il dit au verset 21, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. C'est la grande tribulation. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, c'est-à-dire de ceux qui sont restés pour le martyr, à cause d'eux, ces jours seront abrégés. Ça, c'est juste avant la moisson dont on a parlé tout à l'heure. Il est dit au verset 27, « Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. » Et c'est repris au verset 31, « Le Fils de l'homme enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. » Au moment même, au verset 30, où il dit « Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel. » Ce n'est pas l'enlèvement de l'Église. Parce qu'au moment de l'enlèvement de l'Église, les tribus de la terre ne verront pas le Fils de l'homme venir. C'est nous qui allons partir à sa rencontre dans les nuées du ciel. Mais au moment où Jésus va revenir, toutes les tribus de la terre vont le voir. Et juste avant, au verset 28, il est dit « En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. » Le cadavre, c'est les cadavres de tous les chrétiens qui sont morts martyrs à ce moment-là. Et les aigles, ce sont les anges qui sont envoyés par Dieu pour les moissonner, les faire ressusciter, parce qu'ils ne vont pas monter au ciel en esprit. Au moment même où ils sont morts, ils sont montés au ciel en esprit. Mais la moisson, c'est la résurrection de ces saints-là qui vont être pris par les anges et qui vont ressusciter juste à la fin des 3 ans et demi et monter au ciel où ils vont se retrouver avec tous les autres élus. Ça, ce n'est pas le retour de Jésus pour l'enlèvement de l'épouse. L'enlèvement de l'épouse va se faire en un instant, en un clin d'œil, et l'épouse va disparaître en un clin d'œil. Alors que là, il est dit qu'à l'avènement de Jésus, à son retour sur la terre, toute tribu le verra et se lamentera. Parce qu'il va revenir dans un contexte de jugement au moment de la bataille d'Armageddon. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Il ne parle pas du retour du Seigneur pour l'enlèvement, mais de l'avènement de l'entrée de Jésus dans son règne. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Les aigles sont les anges qui sont envoyés pour la moisson, et le cadavre, ce sont tous les chrétiens morts dans la persécution. Il ne s'agit pas d'un cadavre spirituel, quand certains disent qu'il s'agit des inconvertis qui vont être remis à la vie par la conversion, ce n'est pas ça du tout. C'est un contexte de fin des temps, de moisson, où le cadavre des chrétiens qui auront été persécutés vont ressusciter à ce moment-là par les anges qui vont moissonner et ils vont monter au ciel à la fin des 3 ans et demi. La résurrection des martyrs de la tribulation se passera à la fin des 3 ans et demi de la première moitié de la persécution. L'enlèvement de l'Église juste avant la dernière semaine et la résurrection des martyrs de la persécution au milieu de la 7e semaine, c'est-à-dire 3 ans et demi, après le début de la grande tribulation. Et la terre fut moissonnée, c'est là. Alors, quand il donne cette suite d'événements dans Matthieu 24, le Seigneur parle à la fois des événements qui ont commencé au moment même où il parlait, jusqu'à la fin de la période de 2000 ans qu'on vient de vivre là, et à la fin de la période de 7 ans qui va représenter la grande tribulation. Tout ça est inclus dans ce chapitre 24. Le Seigneur parle de signes qui ont commencé à se produire au moment même où il parlait, jusqu'à la fin de la résurrection des saints qui sont restés sur la terre. Et il le dit au verset 21, la détresse sera si grande à ce moment-là, hein, qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, parce que ça sera tellement dur comme persécution des chrétiens qui resteront, que la tentation de laisser tomber sera très forte. Imaginez un peu, à côté des persécutions des nazis, ça sera rien. L'Antichrist va faire des choses abominables, terribles. Et il y en a beaucoup qui vont lâcher pied et qui vont, devant la grandeur de cette tribulation, accepter la marque de la bête et ils seront perdus. Alors comme le Seigneur leur fera quand même grâce, il permettra que ces jours soient abrégés pour que ses élus puissent monter. Et au verset 36, il dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais le Père seul. » Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. L'arche, c'est le symbole de Jésus. Noé, c'est le symbole de l'Église qui est enlevée. De l'épouse qui est enlevée. Les autres meurent tous. Et il le dit, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Tenez-vous prêt, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Alors la différence importante avec l'époque de Noé, c'est que du temps de Noé, seuls Noé et sa famille, 8 personnes ont été sauvées, c'est pas beaucoup. Alors que à notre époque de grâce, il y en a des millions, enfin Dieu le sait le nombre, qui vont être sauvés. Et en outre, à l'époque de Noé, ceux qui restaient étaient, nous dit la parole, tellement méchants que toute leur pensée ne pensait que constamment à faire le mal. Alors que, à l'époque de l'enlèvement de l'Église, il y en a qui vont rester et qui vont, tout en étant morts par le déluge de la grande persécution, morts physiques, qui vont conserver leur salut. La suite de Matthieu 25 nous montre aussi que les 10 vierges sont divisées en 2 groupes, 5 vierges sages et 5 vierges folles. Les 5 vierges sages étaient prêtes, et quand la voix a retenti en disant « Voici l'époux », elles ont été admises dans la salle des noces, alors que les autres vierges qui n'étaient pas prêtes ont été maintenues dehors dans la nuit de la grande tribulation. Et Jésus leur dit « Je ne vous connais pas ». Alors, il y a plusieurs interprétations possibles, hein, mais en tout cas, il y a une chose certaine, c'est que Jésus ne les connaît pas en tant qu'épouses. Elles ne sont pas admises dans la salle des noces de l'agneau en tant qu'épouses. Et au chapitre 15, il vit dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et ces fléaux sont les mêmes, à quelques variantes près, que ceux qui sont décrits dans Apocalypse 8. Mais les fléaux sont vus dans Apocalypse 8 du point de vue juif, et là ils sont vus du point de vue de l'Église, comment l'Église doit les voir. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et la marque, qui sont ceux qui ont fini par vaincre la bête et la marque et son image ? Ce sont ceux qui sont sortis de la grande tribulation, les martyrs, qui n'ont pas accepté la marque de la bête et qui ont été tués et qui viennent d'être moissonnés par les anges de Dieu. D'ailleurs, c'est dit après, et le nombre de leurs noms, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu, ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voix sont justes et véritables, roi des nations. Qui ne craindrait le Seigneur et ne glorifierait ton nom, car tu es saint. Ces rachetés, ce sont ceux qui sortent de la grande tribulation, les martyrs. Et il est intéressant de voir qu'ils chantent le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. Le cantique de Moïse, Moïse, c'est la figure de la loi. Et l'agneau, c'est la grâce, c'est Jésus. Donc, ceux qui sont passés au travers du feu pour rentrer dans le salut, n'ont pas bénéficié de la grâce complète dont a bénéficié l'épouse qui a été enlevée avant la grande tribulation, parce qu'elle était fidèle. Mais ils ont été sauvés par un mélange de loi et de grâce. La loi, ça a été qu'ils ont dû supporter finalement le châtiment de leur manque de préparation par le martyr. Et ils ont été rachetés comme au travers du feu, mais en même temps par la grâce de Dieu, parce qu'on ne peut pas être sauvé par ses œuvres ni par la loi. Mais par le cantique de l'agneau, ils chantent quand même la grâce de Dieu qui leur a permis de sortir de cette épreuve, quand même en vainqueur. Alors que l'Église, elle, elle chante le cantique de l'agneau seulement. Elle ne chante pas le cantique de Moïse. Elle n'est pas sous la loi. Après cela, verset 5... Je regardais et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Alors, le temple terrestre construit par Moïse était une image du véritable. Il y a dans le ciel l'habitation de Dieu, le tabernacle de Dieu. Ce n'est pas un temple fait de main d'homme, c'est un tabernacle céleste. Et ce temple est ouvert et les sept anges qui tenaient les sept fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur, éclatant, ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des quatre êtres vivants donna aux sept anges sept coupes d'or pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Ils vont verser les sept coupes de la colère, les sept derniers fléaux sur la terre. Et le temple fut rempli de fumée. La Shekinah de la gloire de Dieu remplit le temple de Dieu à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les sept fléaux et les sept anges soient accomplis. Pourquoi il faut que les sept fléaux soient accomplis? Parce que, on le voit un peu plus tard, à la fin de la grande tribulation, il y a une autre résurrection qui se produit. C'est la résurrection de tous les saints de l'Ancien Testament. Et ils ne peuvent pas rentrer dans le temple avant que les sept fléaux soient finis, soit versé sur la terre. Il fallait que les sept fléaux viennent, qu'il y ait la persécution des Juifs, que la bataille d'Armageddon se passe, et juste après la bataille d'Armageddon, on le verra dans Apocalypse 20 au début, il y a le trône de Christ qui est adressé. Devant le trône apparaissent les rachetés de la grande tribulation et tous les martyrs de l'Ancien Testament et les saints de l'Ancien Testament qui ressuscitent à ce moment-là. Personne ne peut rentrer dans le temple tant que tous les invités ne sont pas là avec l'épouse. Alors vous voyez l'ordre de la résurrection. Tout le monde ne ressuscite pas au même moment. Le premier à ressusciter, c'est Jésus. Les prémices. Il est premier en tout. Jésus-Christ est le premier à avoir ressuscité en gloire. Ensuite, il y a la résurrection de l'épouse. C'est-à-dire que tous les chrétiens morts depuis 2000 ans, mais qui auront vécu une vie de vainqueur et qui seront morts avant le retour de Jésus, pas les chrétiens tièdes, mais les chrétiens qui auront vécu une vie de vainqueur vont ressusciter à ce moment-là. Et ceux des chrétiens qui seront vainqueurs vivants au moment où Jésus revient chercher l'épouse vont être transformés en un clin d'œil et tous ceux-ci qui constituent l'épouse vont ressusciter avant la grande tribulation. Ensuite, au milieu des sept ans, ressuscitent les martyrs, qui ne vont pas faire partie de l'Église, c'est fini, c'est terminé pour eux, mais ils ressuscitent. Et ils vont faire partie des amis de l'époux avec les saints de l'Ancien Testament et les martyrs de tous les temps. Donc, au milieu de la grande tribulation. les deux témoins, eux, ressuscitent peu avant la bataille d'Armageddon, c'est-à-dire à la fin du sixième sceau, on le voit au chapitre 11 de l'Apocalypse. Je vous rappelle que jusqu'au chapitre 11 de l'Apocalypse, c'est les événements de la fin vus du point de vue juif. Ces deux témoins vont prêcher l'évangile à la terre entière et ils vont être mis à mort et ils ressusciteront 3 jours et demi après leur mort dans la grande ville, Jérusalem. Et au verset 11, il est dit « Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici !» Les voilà, ils ressuscitent. Et ils montèrent au ciel dans la nuée. Il y eut un grand tremblement de terre. Et au verset 15, il est dit « Le septième ange, la dernière trompette sonne. » Donc juste avant, à la fin de la sixième coupe, ils ressuscitent. Donc eux vont ressusciter avant la bataille d'Armageddon, alors que les saints de l'Ancien Testament et les martyrs de tous les temps ressuscitent juste après la bataille d'Armageddon. Ensuite, ressuscitent à la fin de la grande tribulation, les amis de l'époux, puisque les noces de l'agneau ne peuvent pas avoir lieu tant que tout le monde n'est pas rassemblé, tant que tous les invités ne sont pas là. C'est-à-dire les saints de l'Ancien Testament, David, Abraham, Moïse, etc. Et les martyrs de tous les temps, de l'Ancien, du Nouveau Testament, ceux qui sont morts, par exemple, dans les persécutions des chrétiens, dans les persécutions qui ont eu lieu depuis la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Ils vont tous ressusciter, cela, à la fin des 7 ans, et à ce moment-là, vont commencer les noces de l'agneau. Et là, tout le monde est prêt pour les noces de l'agneau. Tous ceux qui doivent avoir part à la première résurrection ont ressuscité. Alors, dans le chapitre 16, là, je passerai très vite parce que c'est pas nécessaire de le prendre verset par verset, mais il nous montre les 7 derniers fléaux du jugement de Dieu sur la terre, qui touchent toute la terre, le ciel, la mer, les plantes, les poissons, etc. Imaginez un peu la vie de ceux qui seront à ce moment-là sur la terre et qui subiront ces jugements, ces choses. Je lirai simplement au verset 15, Jésus qui dit « Je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Donc, la bataille d'Armageddon commence à la fin de la sixième coupe. Et ensuite, la septième coupe, c'est la coupe finale de la destruction de la Grande Babylone et du jugement final de la terre. Au chapitre 17 et 18, il s'agit de la description détaillée du jugement final de la grande prostituée Babylone, qui est la grande église universelle qui s'est constituée à ce moment-là sous l'autorité de l'Antichrist et du faux prophète, sous la domination de Satan. C'est l'église infidèle qui s'est constituée sur la terre, c'est-à-dire la fausse épouse, la prostituée, qui a regroupé sous l'autorité du pape de Rome et de tous ceux qui vont s'associer avec lui, sur la terre entière, une grande église, une fausse église, que Jésus appelle la prostituée, qui va faire semblant d'être chrétienne, mais qui ne sera absolument pas chrétienne, qui aura son siège à Rome, et cette prostituée-là, que la Bible appelle Babylone, sera jugée. Elle sera jugée spirituellement dans le chapitre 17 et physiquement dans le chapitre 18. C'est-à-dire que la ville de Rome, au chapitre 18, est détruite. La grande ville de Rome sera détruite en un instant, complètement, par le feu du ciel ou une bombe atomique, que sais-je. Et au chapitre 17, spirituellement, la Babylone est jugée et elle tombe. C'en est fini, c'est terminé. Alors que l'autre grande ville dont parle l'Apocalypse, Jérusalem, elle ne sera pas détruite entièrement, elle sera purifiée pour être prête à recevoir le siège du roi des rois et du seigneur des seigneurs, quand il va revenir poser les pieds sur le mont des Oliviers. Et avant de lire ces deux chapitres, je voudrais relire un verset dans Apocalypse 19, 7. « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. » C'est le vêtement même du Seigneur, le fin lin éclatant et pur. Quand Jésus se montre dans la Bible, dans sa gloire, il est revêtu de fin lin éclatant pur, une ceinture d'or sur la poitrine. car le fin lin, c'est la justice des saints. Alors, comme nous sommes dans les temps de la fin, l'épouse de Jésus se prépare en se sanctifiant, parce que seuls les chrétiens sanctifiés seront enlevés. Mais parallèlement à la préparation de cette épouse, il va y avoir, et il y a en ce moment, la préparation de la prostituée. Et l'Église infidèle, une partie d'entre elles, va rejoindre dans les derniers temps, et elle est en train de rejoindre la prostituée. Alors il est important de voir qui est cette prostituée, comment elle se met en place, et comment faire pour éviter d'en faire partie. Et dans les chapitres 17 et 18, on voit ceci. Alors, chapitre 17, verset 1er. « Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vint et m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. » L'ange montre à Jean la prostituée, la grande prostituée, et il lui montre son jugement. Une prostituée, c'est quelqu'un qui se vend pour de l'argent, ou c'est quelqu'un qui trompe son mari pour se donner à quelqu'un d'autre qui n'est pas son mari. Et là, dans l'Apocalypse, la prostituée, c'est l'image de l'Église chrétienne infidèle, la fausse Église chrétienne. Celle qui a l'apparence du christianisme, mais qui en a rejeté la réalité. Elle est appelée la prostituée. Et de même que l'épouse se prépare, la prostituée se prépare. Parce que de même que l'épouse est l'épouse de Jésus-Christ, la prostituée sera l'épouse de l'Antichrist. Dans ce chapitre 17, elle montre sur quoi la prostituée est assise. Elle est assise sur trois choses. Et à chaque fois, il est marqué « elle est assise ». Là, nous voyons que cette prostituée est assise sur les grandes eaux, au verset 1er. Et un peu plus loin, au verset 3, « Je vis une femme assise sur une bête écarlate. » Un peu plus loin encore, au verset 9, « Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. » Alors c'est important de voir ces versets parce que ça montre sur quoi cette prostituée va s'appuyer. Et si on sait sur quoi elle s'appuie, il est important de ne pas s'appuyer sur les mêmes choses. Les grandes eaux, au verset 15, il nous est dit « Les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. » C'est donc une prostituée qui s'étend sur la terre entière. Elle est assise sur toutes sortes de peuples, de langues, de nations. Elle s'est infiltrée partout. Elle couvre la surface de la terre. Quant à la bête, au verset 3, la femme assise sur la bête, nous le savons, c'est l'Antichrist. La bête écarlate. L'écarlate, c'était la couleur des rois. Et la bête, l'Antichrist, va être celui que Satan va envoyer et choisir pour être le roi de la terre en son nom. Le chef, le dernier. Et en ce qui concerne le verset 9, les sept montagnes, les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Eh bien, ce sont à la fois physiquement les sept montagnes qui constitue la ville où la prostituée aura son siège, puisqu'il est dit à la fin, au verset 18, « La femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. » Et à l'époque où parlaient Jean, la grande ville qui avait la royauté sur les rois de la terre, c'était Rome. Donc c'est à la fois physiquement la grande ville, à l'époque Rome et toujours maintenant, qui est construite sur les sept collines à Rome, et puis spirituellement aussi, puisque le verset suivant le dit, ce sont aussi sept rois. Les sept montagnes sont sept têtes, sept rois sur lesquels cette prostituée s'est appuyée dans toute l'histoire de l'humanité. La prostituée, c'est Babylone. La prostituée, c'est l'esprit de Caïn qui a persécuté Abel, le juste. C'est le même esprit qui a suivi cette prostituée tout au long de l'histoire et qui va se manifester pleinement dans la fin des temps, dans le règne de l'Antichrist. Il est dit que ce sont sept rois sur lesquels la prostituée est assise. La prostituée s'appuie sur des chefs politiques qui utilisent eux-mêmes la puissance de la prostituée. Cinq sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un huitième roi. Alors, il y a plusieurs interprétations possibles, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la bête s'appuie sur des puissances politiques qu'il utilise aussi. Et les cinq rois qui ne sont plus, on peut penser que ce sont les cinq grands empires qui se sont suivis dans l'histoire de la Bible, c'est-à-dire le premier, c'était l'empire égyptien, le plus ancien, et ils ont tous un rapport avec le pays d'Israël. Ensuite, c'était l'empire assyrien, qui a détruit l'Égypte, ils sont tous détruits successivement. Ensuite, c'était l'empire babylonien qui a été renversé par les Mèdes et les Perses. Les Mèdes et les Perses qui ont été renversés par l'empire grec de Philippe de Macédoine. Et puis, les Grecs ont été eux-mêmes renversés par le sixième roi, c'est-à-dire Rome. Donc, les cinq qui sont passés à l'époque de Jean, qui n'existent plus, c'est l'Égypte, la Syrie, Babylone, les Médo-Perses et la Grèce. Et ces cinq-là étaient tombés. Le sixième qui était debout à l'époque de Jean, c'était Rome. Et le septième, eh bien, c'est le dernier empire final qui se reconstitue, c'est-à-dire l'empire romain qui reprend, et dont l'Antichrist sera le huitième et le dernier roi, c'est-à-dire le dernier chef de cet empire babylonien reconstitué, c'est l'Antichrist. Alors, ce qui est important de voir, c'est que cette bête, l'Antichrist, est l'appui, le soutien de la prostituée. Elle est assise dessus. Alors, quand on lit ces passages et qu'on voit que la prostituée est assise dans la ville aux sept collines, aux sept montagnes, qui est la ville qui a la royauté sur les rois de la terre, c'est-à-dire Rome, eh bien, nos yeux s'ouvrent aujourd'hui pour voir que, en fait, l'empire de l'Antichrist qui est en train de se reconstituer sous nos yeux, dans l'Europe du marché commun, eh bien, c'est cet empire-là dont parle Jean, et dont le chef sera l'Antichrist. Et l'Antichrist, il se trouve que actuellement, puisque c'est un pouvoir à la fois politique et religieux, va s'appuyer sur deux réalités, c'est-à-dire d'une part le marché commun actuel, actuellement on est 12, hein, on était 10 il n'y a pas très longtemps, on est 12, mais enfin il y a 10 têtes là-dedans, et je pense personnellement que ou bien 2 des 10 vont sortir du marché commun, ou bien il va se passer quelque chose qui va faire que parmi ces 12, il y en aura 10 qui prendront vraiment la tête et qui élimineront tous les autres. Mais en tout cas, une puissance politique européenne, une fédération d'États dont le chef va être l'Antichrist, ça c'est le côté politique. Et ensuite, le côté religieux, c'est la grande religion mondiale faussement chrétienne qui se met en place et dont le chef sera aussi à Rome. Et c'est curieux de voir que le marché commun a été créé par le traité de Rome et que l'Église catholique romaine a son siège, la grande Église apostate, a son siège à Rome. Et on voit que tout se met en place sous nos yeux. Alors ça veut dire que cette prostituée qui a son siège à Rome et qui va s'appuyer sur le pouvoir politique du marché commun est en train d'émerger actuellement sous nos yeux. Et cette prostituée ne sera pas constituée que de l'Église catholique romaine, bien qu'elle ait son siège à Rome, mais elle sera constituée d'une fédération d'églises apostates qui vont toutes se mettre ensemble sous l'autorité d'un pontife unique qui aura son siège à Rome et qui pourra être, et qui est d'ailleurs, c'est ma conviction, le pape catholique romain. Mais il n'y aura pas que l'Église catholique. Il y aura toutes les fausses églises chrétiennes apostates, c'est-à-dire toutes celles qui, petites ou grandes, ont accepté de rentrer dans le système dénominationnel babylonien ou apostat, qui va être celui de l'Antichrist, de la bête. Alors ce système babylonien, c'est le système des fausses religions chrétiennes. L'Église catholique romaine, l'Église orthodoxe, l'Église protestante réformée, ou une grande partie d'entre elles, et toutes les églises dites évangéliques, mais qui ne marcheront pas et qui ne marchent pas dans la vérité de la pure parole du Seigneur, et qui ont tendance à s'organiser, à se fédérer, à se regrouper, à se mettre les unes dans les autres pour se regrouper petit à petit dans le sein d'un vaste ensemble qui sera dominé par un groupe qui aura son siège à Rome. Et c'est intéressant de voir que le grand mouvement, par exemple actuel, d'évangélisation 2000, qui est dirigé par des responsables catholiques, c'est un mouvement qui s'appelle Évangélisation 2000, qui consiste à vouloir évangéliser la terre entière pour l'an 2000. Et quand on lit les textes qui sont édités par ce mouvement, qui a son siège au Vatican, hein, qui est inspiré par le Vatican, créé par le Vatican, quand on lit ces textes, on a l'impression de se trouver devant un texte évangélique. Il parle de la nécessité de gagner le monde pour Jésus, il parle de la croix, il parle de la purification par le sang de Jésus, etc. Tout est vraiment présenté d'une manière extrêmement séduisante et proche de la vérité. Mais tout est issu de Rome. Et en fait, comme on sait que l'Église romaine n'a rien abandonné de sa doctrine, et quand elle donne une apparence évangélique, c'est pour mieux cacher ce qu'il y a derrière et dont elle n'a rien abandonné, toutes ces doctrines fausses, elle n'a rien abandonné de ses doctrines. Elle se sert simplement de la vérité comme d'un paravent pour attirer dans ses filets ceux qui sont infidèles et ceux qui sont incrédules.